et 17 degrés. Aussi résistantes au soleil qu'à la pluie, les fenêtres WIB se fichent de la météo. WIB.eu. La première. Il est 16h. Nicolas Lehmann avec vous, bonjour à tous. Le décès d'un grand humoriste qui aura marqué des générations à la RTBF. Le comédien français Bernard Faure, alias Monsieur Zigot, est mort aujourd'hui. Il a participé à de nombreuses émissions, le Tataillé Show, Bon Week-end, mais ce dont on se souviendra le plus, ce sont ses célèbres caméras cachées. Un officier qui rappelle des personnes âgées au service militaire, un vampire vivant dans un train fantôme, un photomaton farceur. Tout ça, c'était Monsieur Zigot, et lui-même s'étonnait de la crédulité de ses victimes. Je me souviens d'une caméra cachée à Mons. Je devais demander aux gens qui s'étaient mis au parking, qui avaient leur ticket, de leur dire, vous revenez à quelle heure? Ah ben, 11h15, monsieur l'agent. Bon, c'est sûr? Oui, c'est sûr. Bon, mettez-vous devant le parcmètre, levez la main droite et dites, je le jure. Face à la machine, vous ne mettez pas de face, voilà. Simplement. Voilà. Merci, monsieur. Très bien. C'est parfait. Je me suis dit, c'est pas possible. Moi, on me ferait faire ça, je dirais, allez vous faire voir, quoi, hein. Et ben là, tous ont accepté. Et ça m'a fait me poser des questions sur l'ingénuité, la gentillesse, la crédibilité des personnes piégées. Voilà donc pour les souvenirs d'une figure emblématique du petit écran en Belgique. Bernard Faure avait 87 ans. L'Union européenne devrait ratifier très bientôt l'accord de Paris sur le climat. Les 28 sont en tout cas tombés d'accord cet après-midi. La ratification passera par une procédure accélérée. Autrement dit, sans attendre une ratification au niveau national, ce qui aurait pris beaucoup plus de temps. Et l'Union risquait d'être parmi les derniers à ratifier l'accord, ce qui aurait fait mauvais genre. Une procédure accélérée donc, mais tout de même quelques réticences. Certains États craignent en effet que cette mesure exceptionnelle ne soit utilisée par la suite pour d'autres accords internationaux. Et puis même une fois ratifié, ce ne sera pas fini. Il faudra encore répartir l'effort de Paris entre les pays européens. En Syrie, c'est toute la partie est d'Alep qui est devenue une cible géante. C'est ce que dénonce MSF, qui demande au régime d'arrêter le bain de sang. Il n'en a pas l'intention et l'allié de Moscou se justifie. Sans les frappes russes, c'est Damas qui serait déjà aux mains des djihadistes. La catastrophe humanitaire s'amplifie à Alep. Il n'y a maintenant plus que 30 médecins dans la partie rebelle de la ville pour environ 280 000 personnes. C'était le grand final cet après-midi pour la mission Rosetta. La sonde spatiale européenne s'est écrasée comme prévu sur Chury, sur la comète Chury, peu avant 13h. Un crash qui était programmé. Rosetta a pu cartographier, mesurer, analyser la comète. Elle a récolté des données capitales pour mieux comprendre la formation du système solaire. Plusieurs instruments avaient d'ailleurs été élaborés en Belgique par des chercheurs de l'Institut d'aéronomie spatiale. Parmi eux, Romain Maggiolo. Il a assisté tout à l'heure en direct aux derniers instants de Rosetta avec une petite pointe de nostalgie. Ah, ça y est, voilà. Ça a touché. Voilà, c'est fini. Vous recevez régulièrement des emails de la responsable de l'instrument qui nous disait on va être à telle distance, à telle approche, ah, j'ai vu ça aujourd'hui. Donc on attendait de temps en temps une petite nouvelle de Rosetta, une petite surprise. Et là, on sait que maintenant, il n'y aura plus de ce côté vivant de la mission. Quoi. Ça sera... Bah, c'était assez partagé. La tristesse de savoir que c'est la fin, la joie de voir que tout s'est bien passé, que c'était un grand succès. Et un peu d'excitation parce qu'on va avoir des mesures au plus près de la comète comme on n'a jamais eu. Je pense qu'on espère avoir la dernière image à quelques dizaines de mètres du sol. Et les autres images qu'on avait les plus proches avant, c'était quelques kilomètres. Donc on va voir tous les petits détails de la surface, les grains, les petits trous, avec une résolution incroyable. Voilà, Romain Maggiolo de l'Institut d'aéronomie spatiale de Belgique sur la fin du projet Rosetta. En football, qui seront les Diables qui affronteront la Bosnie et Gibraltar la semaine prochaine? La sélection sera dévoilée cet après-midi, dans un peu moins d'une demi-heure même. Sélection dévoilée par Roberto Martinez. Les deux matchs comptent pour les qualifications à la Coupe du Monde 2018. On sait déjà que Kompany, Vermaelen et De Bruyne ne seront pas sélectionnés. Bel après-midi avec nous. Toute l'info est sur rtbf.be. C'est presque sérieux sur la première avec Walid. Bonjour. Bonjour Nicolas. Retour de l'information avec vous tout à l'heure à 16h30. Et pour terminer la semaine en beauté, oui, soyons presque sérieux. Commandez vos portes et châssis avant le 31 octobre chez votre expert Profel et profitez de nos conditions d'automne incontournables. Profel, portes et châssis avec une promesse, la transparence. Walid, sur la première, c'est presque sérieux. Ah, aujourd'hui à Bruxelles, c'est manifersaire hein, pour les 2 ans du gouvernement Michel. Alors avec moi, joyeux manifersaire. C'est la dette. Oh, la dette. Ah, c'est pas mal ça, Jean-Michel Vincent, la dette. Le nom, c'est un ami à vous. L'ancienne patronne d'Electrabel devient la CEO de la SNCB. On aura enfin de la lumière au bout du tunnel. C'est ce qui se dit. Et qu'ils n'ont pas la tête en bas. Un peu comme notre réseau autoroute, évidemment. Ouais, excusez-moi, je vous coupe. Hein, oui. Je fais comme dans Matin Première. Mais peut-on voir cette... Ça, je suis sûr que c'est pas marqué sur la feuille. Alors, ça se passe à Esch. Figurez-vous qu'on venait de remplacer le terrain de football par du terrain synthétique. Le problème, c'est qu'un jardinier de la commune est venu le tondre. Bove mei, zwerme, welduizen vogels voorbij, mijn blik volgt ze. Émile Zola qui est retrouvé mort dans sa chambre, asphyxié à l'oxyde de carbone. Il y a déjà des chauffe-eau. Edgar Schott, c'est l'ANVA qui plaide pour le bracelet électronique dès 14 ans. Si à 14 ans, t'as pas de bracelet électronique, t'as raté ta vie. Vincent Flibustier, justement, qui aurait pu dire on se sent vraiment insulté? Ouais, ça va vous faire bizarre, Walid, puisque c'est l'ambassadeur de Chine à Bruxelles qui est tombé sur notre émission et vous a entendu faire le chinois. Je pense pas que les Chinois aient été vexés par l'hommage que vous avez leur avez rendu, Walid. C'est le mot que je cherchais, figurez-vous, Michael. Le Sénat américain qui est donc passé outre le veto du président Barack Obama et qui a voté donc hier une loi qui permet aux familles des victimes du 11 septembre bien de poursuivre en justice l'Arabie Saoudite. Mais il y a au moins une bonne nouvelle dans cette histoire, c'est qu'avec le nombre de procès que cette loi va permettre en Arabie Saoudite, Jean Quatremer n'est plus qu'à 200 mètres de devenir chroniqueur judiciaire. Et ça, ça tombe bien parce que ça fait quand même quelques années qu'il était à milieu d'être journaliste. 16h17h30. Ne prenez pas la grosse tête, restez presque sérieux. Avec Walid. Et oui, l'actualité nous propose chaque jour de sacrées avancées en matière de recul. Ah, oxymore, quand tu nous tiens, ah oui. Et eux, en tout cas, ils ne manquent pas d'ambition. Quand il s'agit de mettre des coups de pied au derrière, eh bien, ils visent la lune. Ce sont vos chroniqueurs du jour. En mettant la gomme, ils réussissent chaque semaine à ne pas faire un dessin. Oui, et il nous en parlera tout à l'heure. C'est Frédéric Dubus, bonjour. J'ai trouvé la bonne planque. Ouais. Tiens, depuis son triomphe chez Nagui, il échoue systématiquement dans tout ce qu'il n'entreprend pas. C'est Christophe Bourdon, bonjour. Je n'ai pas tout compris, bonjour. Alors, vous échouez dans tout ce que vous n'entreprenez pas. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Mais j'échoue aussi dans tout ce que j'entreprends, c'est le problème. Mais j'en l'ignore. Mais oui. Tiens, lui, avec sa toute nouvelle façon de faire rire, il est à l'humour, ce que Franck Michel est à la chanson française. On peut pas arrêter la présentation, c'est toujours la même chanson. Renouveleur de genre, c'est Gilles Dalle. Hello, bonjour. Walid. Un jour, elle s'est rendue compte que placer la barre très haut, eh bien, c'était le meilleur moyen de ne pas, se blesser, hein, tout simplement. C'est Cynthia Isarelli. Bonjour. Bonjour. Tiens, ces planches à partie sont toujours de cuisine. Réussite, hein, Raoul Reyer. Absolument, mais maintenant c'est un peu fini, hein. Ça commence à se terminer. Petite dernière pour la route, quand même. Allez, oui, si vous voulez, avec une doudoune, alors. Allez, on se fait Dites plaisir. Votre enterrement, ça s'est bien passé? Écoutez, parlez pas de malheur, hein, mon cher ami. Il faut dire que Walid est habillé. Il est bien habillé. Entièrement noir. Voilà, c'est bien résumé par Christophe Bourdon, bien habillé. Il y a un petit côté croque-mort, Lucky Luke, oui, quand même. C'est quand vous voulez, je peux faire ça aussi. Ça me dérange pas. Je vous réserve déjà pour mes funérailles. Bah écoutez, je viendrai, sans problème. Mais c'est quoi les dates? Walid, c'est toujours votre tenue de la fête de la communauté française? Non, c'est un autre costume, monsieur. Vous n'avez pas l'œil. Parce qu'il a l'air de tenir tout seul. Ah bah non. On dirait un costume de Jacques Brel. Il est sponsorisé, attention. Quel salaud. Tiens, pour réussir à ne pas faire échouer cette émission, heureusement, ils sont là. Ils préparent justement. Ils se préparent tous les jours à improviser. C'est d'un côté Carole Baquet qu'on embrasse et qui a besoin d'un bon massage. D'ailleurs, si vous êtes masseur, kiné, n'hésitez pas. Ou si vous êtes fleuriste et que vous avez la gentillesse de nous offrir des fleurs gratuitement, ce sera plaisir de lui offrir. Carole Baquet, donc, qui prépare cette émission. Et Grégory Carrette qui c'est la réalise élégance. Pour vous. N'hésitez pas, vous l'avez compris, nous sommes presque sérieux. L'actualité, ce sont eux qui la font. Et c'est avec vous que nous en rions. Soyez les bienvenus. C'est presque sérieux. Sur la première. Et au menu de 7h30 sur la première, eh bien que du bon, de l'actualité avec une affaire judiciaire, l'affaire judiciaire du moment. On parlera bien entendu du dessin que Frédéric Dubus n'a pas fait. On plongera dans peut-être un jour dans l'histoire avec Cindy Zarelli. J'adore cette séquence. Ah oui. Avec la Belgique et l'Allemagne. Et puis on parlera du cousin mexicain de Shimon Peres avec Gilles Dalle. Il nous en parlera tout à l'heure. En attendant, on vous invite à jouer avec nous. Et pas mal de choses aujourd'hui dans cette émission, des nouveautés. On jouera à l'actu quiz avec des lettres de l'alphabet. Ah ouais. Ah ouais. De A à ça Z. Va être chaud, ça, hein. Voilà, les réponses commencent par chaque lettre de l'alphabet. C'est pas mal. On va voir si vous avez bien potassé l'actualité de cette semaine. Ah oui. Ne survendez pas le sujet. Il fallait combler le fait que je ne fasse pas de chronique. Il est payé pareil ? Hein, pardon ? Il est payé pareil que nous ? Il ne sait pas encore. Il n'est pas encore payé. Plus que vous. Le flou est entretenu là-dessus. Tiens, on joue ensemble avec l'actualité. Qui aurait pu dire elles ne sont pas aussi propres que vous le pensez ? Ah ben, vous aurez droit à des propositions. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou par SMS. Pour commencer, CPS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse, pour repartir notamment avec Pete, ce jeu effréné où on échange des cartes tous en même temps Pete. Et en criant. Pete. Vous pouvez faire ça aussi. Il faut bien le dire, hein, parce que sinon. Voilà, il y a tout ce que vous voulez. Hein. Festival de bons mots. Voilà, et on rajoute à cela 4 entrées à l'Eurospace Center de Redu. N'hésitez pas à vous inscrire, CPS au 6031, 75 centimes c'est le message. Pete. Vous aidera en faisant bien entendu des propositions. Elles ne sont pas aussi propres que vous le pensez. Et tiens, sur la page Facebook, on vous propose de retitrer une information sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure après les informations de 17h. Raoul et Debo, qui a le vent en poupe pour le moment, ouais, la montée du PTB. Les gens entendent une alternative et attendent surtout une alternative. Ils attendent et ils entendent aussi. Donc n'hésitez pas à retitrer cette information sur le site et sur la page Facebook de l'émission. J'aurai un petit cadeau à vous offrir, je ne vous dis pas encore lequel, mais il y en a un. Ça fait déjà peur à Carole Baquet. Allez, une clé USB. Non, je mets une clé USB et une lingette. Un time's up. Ah. Allez. Je suis fou. Bon, allez. Enfin, c'est vendredi. Oui. On brade. Allez, Wally. Et on remercie Rocoprof, nos amis. Ah, vous voulez pas, sans la boîte. Vous ne pourriez pas revendre mon ancienne caravane. Écoutez, je fais croque-mort et revendeur de caravane quand vous voulez. En attendant, vous savez qu'on perd du temps. On a pas mal de choses dans cette émission. Non, on gagne. La une du jour. La une du jour. C'est parti. Si on écoutait notre ordinateur, oui, on a des noms de personnalités qui font parler d'elles dans l'actualité, mais à votre avis, de qui s'agit-il ? Qui est ce personnage ? Ordinateur, proposez-nous un nom, por favor, s'il vous plaît. Qui est qui ? Attention, une phrase va défiler sur cet écran. Carlo Petrini. Veuillez répéter. Carlo Petrini. Alors, qui est Carlo Petrini ? C'est le cousin de Carlo De Pascal. Le cousin de Carlo De Pascal, non. C'est le frère de Sylvia Petrini. Le frère de Sylvia Petrini, non plus. Un secrétaire d'État wallon. Un quelque chose. Secrétaire d'État wallon, non plus. Il est belge ? Il n'est pas belge, non. Italien ? Alors, je vous aide, on parle non, nourriture. Non, vous pas. Ah, on parle c'est nourriture. Un chef. Quel talent. C'est un chef ? Non. Il est... Allez, Vous connaissez fast food ? Oui, slow food, c'est le mouvement slow food à Turin. Oui, alors qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a monté un mouvement slow food à un salon slow food à non, Turin. Non, il a enfin goûté, il a dit mais c'est de la merde. Effectivement, Cindy Aizarelli. Et la Belgique est très bien représentée. Voilà, effectivement, on parle de lui dans la presse aujourd'hui en rapport avec cette envie de changer le monde, changer les choses. C'est vrai que la malbouffe, c'est fini. Parlons de nourriture avec un grand N, parce qu'il faut manger sainement. En même temps, vous mangez un hamburger en une demi-heure, c'est de la slow food. Ouais, mais bon, il est froid et c'est pas bon non plus. Oui, mais c'est du slow food. Ouais, il faut manger équilibré et bien manger. Donc voilà, deuxième personnalité que nous recherchons dans l'actualité aujourd'hui. Il a un nom, mais de qui s'agit-il ? Écoutons. Qui est qui ? Attention, une phrase va défiler sur cet écran. John Crayan. Veuillez répéter. Alors. John Crayan. Qu'est-ce que vous fichez avec votre GPS ? Alors, qui est John Crayan ? À votre avis. Est-ce que c'est quelqu'un de bien ? Alors, c'est quelqu'un. Ça dépend. En règle générale, vous diriez oh non, c'est pas quelqu'un de bien. Mais il est pas bien, lui, c'est pour le moment. Non, il est pas anglais. Il est américain. Il est quand même pas allemand. Alors, il est allemand. Enfin, on parle c'est de lui en Allemagne. Il est malade. Pardon ? Il est malade. Chez Lufthansa ? Il travaille pas chez Lufthansa, non. C'est l'inventeur des crayons de couleur. Non. Pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup en Allemagne ? Alors, qu'est-ce qui se passe en Allemagne pour le moment, au-delà de Lufthansa ? La montée du nazisme, le directeur de la Deutsche Bank. L'interconnexion. Vous dites directeur de la Deutsche Bank. Effectivement. Et pourquoi on parle de la Deutsche Bank ? C'est le dernier client de la Deutsche Bank. Parce qu'elle est partie avec la caisse. Parce qu'elle menace d'être en faillite et que l'État va probablement devoir la sauver. Effectivement. Pour pas céder à la menace. Il monte au créneau et il essaye de rassurer en tout cas tous les clients de la Deutsche Bank. Une grosse amende des Américains. Ah, et 14 milliards de dollars. Énorme. Ça vite parti. Et donc. Voilà, John Cryan, répond aux salariés de la banque allemande pour tenter en tout cas de les rassurer face à cette tempête boursière qu'ils traversent. Ils ont perdu 7% aujourd'hui à la bourse, à l'ouverture de la bourse en Allemagne. Donc c'est pas folichon. Je pense qu'on va avoir un effet domino. Si la Deutsche Bank tombe, on risque d'en avoir d'autres qui passent mais à la casserole. Non, mais non. C'est ce qu'on raconte. De toute façon, chez ING, il n'y aura plus personne. Non, oui. C'est vrai qu'ils sont en train d'en licencier 4000, effectivement. Moi, je dis plus de banque. Vous connaissez cette musique ? Hey. Ça sent le vieux Jean Giraud des années 60. Ça sent le petit yéyé déhanché. Ouais, c'est une musique de film. Oui, ben oui. Ouais, mais de quel film ? Faites sauter la banque. Jean Giraud. Ah ouais, Coup de funès. Voilà, en tout cas, la Deutsche Bank qui réduit un peu ses pertes en bourse de Francfort, mais qui cède encore près de 5% aujourd'hui. Affaire à suivre, comme dirait Angela Merkel. Dans la qu'on suite, embrasse. Tiens, on continue à s'intéresser à l'actualité. Je vous invite surtout à vous inscrire pour repartir avec de beaux cadeaux. Pete, un jouet freiné aux éditions Roboprod, c'est ce que nous vous proposons. Et 4 entrées à l'Eurospace Center de Rodu, le centre de loisirs et de connaissances axé sur la conquête spatiale en Wallonie. Qui aurait pu dire, elles ne sont pas aussi propres que vous le pensez. Eh bien, nous vous ferons des propositions, mais pour cela, il faut vous inscrire en envoyant ces 3 lettres. CPS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. Et dans la suite, c'est même tout de suite, Christophe Bourdon, vous allez vêtir votre costume de justicier, d'homme de loi, car maintenant, nous parlons de l'affaire judiciaire du moment. Il se tait, mais qu'on me le donne pendant une demi-heure, et croyez-moi, il va parler. Mais attendez, vous comprenez bien alors la difficulté des juges, parce que la torture n'existe plus. On peut le déplorer, mais ça n'existe plus. C'est presque sérieux sur la première avec Walid. Chou, quelque chose que j'ai pas compris. Pourquoi il rigole ? Lui aussi doit rouler en Skoda. On est toujours plus détendu que les autres. On se sent beaucoup plus détendu quand on roule en Skoda. Skoda offre 2 ans d'entretien et de réparation gratuit à la signature d'un contrat WeCare de 3 ans. Profitez aussi d'une Skoda Octavia Break à partir de 15 495 euros, prime de recyclage déjà déduite. Pour des offres complètement détendues, ne cherchez pas, c'est chez Skoda. Offre soumise à condition, plus d'infos sur skoda.be. En octobre, au Bon Repos, comblez toutes vos envies. Alors, vous êtes plutôt du style lève-tôt, grasse mat, sieste, dans un lit bien douillet, un canapé lit ou un relax, dans des draps soyeux sous une bonne couette, le tout rangé dans un beau dressing? Profitez maintenant de 18% de remise au Bon Repos. 18% pour combler toutes vos envies et créer votre propre style. Aubonrepos.be, place de la Chapelle à Bruxelles, à 2 pas du Sablon. Parking privé. Shopping. Dès 17h, je vais décompresser comme jamais. Le Woluwe Shopping m'offre le rendez-vous le plus zen de la semaine, les Happy Fridays. En plus, le parking est gratuit de 17 à 20h. Happy Fridays, les inédits du vendredi. Woluwe Shopping. Nouveau, Comia Casa Delicious. Réservez un moment rien que pour vous et savourez la lasagne royale, les raviolis di mare ou les farfalle pancetta formaggio. Comia Casa. Apportez un peu de chaleur. La 2, en télé. Vitamine, c'est votre nouveau rendez-vous bien-être sur la 2. Le principe, vous nous posez des questions via les réseaux sociaux et nous tentons d'y répondre. Je vais même me mettre au défi en testant les solutions proposées par les spécialistes. Vitamine, un concentré d'astuces bien-être, c'est du lundi au vendredi sur la 2. La première. Mobile Info. 16h18 en ce vendredi, retrouvons David Godefroy. Bonjour David. Bonjour Walid. Vous allez bien ? Ça va plutôt bien. Un bon petit week-end en perspective ? Oui, sûrement. Vous terminez le boulot à quelle heure, dites-moi ? À 19h30. Oh, vous venez me chercher ? Bah écoutez, il n'y aura plus d'embouteillage à cette heure-là, donc vous pourrez rentrer tranquillement. Voilà. Mais en attendant, à 16h presque 19, que se passe-t-il sur nos routes, David ? Eh bien, c'est plus compliqué. Ce véhicule, notamment en panne sur le 40 Gand Bruxelles autour de Wetteren, bande de gauche neutralisée, 20 minutes perdues vers Bruxelles, sur le ring de la capitale, circulation intérieure, Zaventem Carrefour Léonard, 30 minutes à ajouter à votre trajet, 20 minutes en plus en circulation extérieure Zaventem Grand Bigard, maximum 10 minutes supplémentaires sur les autres tronçons. Et puis un accident s'est produit dans Bruxelles à la sortie du tunnel Arlois. La bande de gauche est neutralisée vers le midi. Un problème. problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. La première avec Walid, c'est presque sérieux. Ah, nous sommes presque sérieux, on se vendredi, on passe une heure et demie, on va s'amuser, on va un peu décompresser de cette semaine qui a été un peu chargée en actualité. Et on va vous offrir également sur la page Facebook un ouvrage. Mais alors les amis, c'est une pépite. Alors le mot est faible, c'est une pépite. Vous aimez l'histoire? Vous aimez la bande dessinée? Eh bien, c'est compliqué. Non, je n'aime aucun des deux. Ah ben, écoutez, c'est... Est-ce que vous offrez Pete en plus de Pépite? Non, on offre un très bel ouvrage sur la page Facebook et je vous invite à y aller. Si vous voulez découvrir cet ouvrage, eh bien, si vous n'arrivez pas à le remporter sur la page de l'émission, c'est presque sérieux, allez chez tous les bons libraires puisqu'il est en vente, n'est-ce pas Gilles Dalle? Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais c'est pas de la bande dessinée. Il y a une expo gratuite également. C'est du dessin de presse. Voilà. Oui, c'est du dessin de presse. C'est pas là. Ça n'est pas pareil, ouais, monsieur Wally. Ok, alors on reprend. Alors vous avez fait un petit dessin. Vous avez fait quel dessin pour une fois? Dans le livre, oui. C'est de la récup. Hein. Pas de langue de bois. Mais ne dites pas ça aux gens. Et il raconte donc l'histoire 1830-2030. C'est revu et corrigé. C'est avec Benjamin, tous les grands caricaturistes. Il y en a 22, oui. Kroll, vous, Vado, pas mal. Marek. J'aime bien le belge et flamand. Bah oui. Ah oui, non, mais c'est très très différent. On cite toujours. Vous voulez dire que les Flamands, c'est en Flamand. Et du bus. Quoi. Et puis après. Oui. Et vous savez qu'en Flandre, il y a une quinzaine de caricaturistes. Je connais bien celui-là. Bien meilleur. Il est que pas nous. Mal. Ouais, écoutez. Il y en a d'autres, les francophones. Dites, si on s'intéressait à l'actualité, ça vous dérange pas? Elle est vue, il est concentré. En parlant de caricaturiste. Il ne dit rien aujourd'hui, Christophe. Non. Par contre, vous avez la parole maintenant. Vous avez décidé de revenir sur l'affaire judiciaire qui secoue la Belgique en ce moment, mais avec un regard intelligent, circonstancié et modéré sur le sujet. C'est à vous. Tous les matins, en direct, Benjamin Général vous donne la parole au 069 696 969. C'est vous qui le disiez. Trois débats sur la table et un seul à partir de 10h pour aller plus loin. Au 069 696 969, à Mont-sur-Marchienne, un médecin est mort de mort naturelle quelques heures seulement après avoir renversé 10 cyclistes, comme on renverse des quilles dans un bowling. Alors, faut-il interdire le bowling? Bart de Wever a pleuré en évoquant la mort de son père, car il n'a pas pu lui dire au revoir. Vous connaissez ce moment quand on ne peut pas dire au revoir? Vous n'avez jamais dit au revoir? Dites-nous pourquoi. Surtout si vous n'avez jamais dit pourquoi. Et enfin, Edgar Westmal comparaît actuellement devant la justice pour le meurtre de sa femme Virginie Mirliton et de leurs deux canaris Piou et Pierre Collard-Beauville. Une femme et deux canaris. Il est donc accusé d'un triple Westmal. Alors, coupable ou innocent? La question qui dérange. Et c'est sur l'affaire Edgar Westmal, arrêtez de rire Raoul. Et c'est sur l'affaire Edgar Westmal que vous avez décidé. Je n'y arriverai pas, je vais me calmer, respirez. Et donc c'est sur l'affaire Edgar Westmal que vous avez décidé de revenir une fois encore en profondeur. Faites sortir Raoul. Je crois que c'est la fin de Raoul en défense. Et je vous rappelle que nous recevions en première heure Dimitri Gorgonzola, rédacteur en chef adjoint de Sud-Presse. Je savais que ce serait drôle. Merci. Pour lui, la réponse ne fait aucun doute. Edgar Westmal, oui, il a bien tué sa femme et ses deux canaris dans la chambre d'hôtel avec le chandelier. Dimitri Gorgonzola nous a également précisé que vous pouviez retrouver un supplément détachable de 40 pages sur l'affaire Westmal dans les journaux du groupe Sud-Presse, avec notamment un dossier complet sur les bons plans hôtels à Westmal. Et au téléphone, nous avons Eric, 45 ans, de Moustier-sur-Sambre. Eric, je vous pose la question sans détour. Edgar Westmal, coupable ou innocent? Écoutez, je pense qu'il faut laisser la justice faire son travail et arrêter un peu de raconter tout et n'importe quoi. Ah, nous sommes d'accord, Eric. Nous ne sommes pas ici pour faire le portrait de Edgar Westmal, mais bien pour dire s'il est oui ou non coupable. Alors, pour vous, Eric, Edgar Westmal, coupable ou innocent? Je viens de vous le dire. Il faut laisser la justice faire son travail, monsieur. Eric, je vous repose la question à 10h58. Edgar Westmal, coupable ou innocent? Et je vous redis ma réponse. Laissez la justice faire son travail jusqu'à preuve du contraire. Tant qu'un homme n'est pas condamné, il est présumé innocent. Ah, il est donc innocent pour vous, Eric. C'est ça que vous me dites à 10h59. Edgar Westmal n'a pas tué sa femme et ses deux canaris. Quoi? Mais non, je n'ai pas dit ça. Ah, alors vous me dites qu'il est coupable, Eric. C'est ce que je peux noter sur ma feuille à 10h60. Edgar Westmal bien tué Virginie Mirliton et leurs deux canaris. Il a du sang sur les mains, il faut le garder en prison, il faut le tuer. Tuer ? Il faut le tuer, c'est ce que vous me dites, Eric. Mais la peine de mort est interdite chez nous, Eric. On peut le déplorer, mais elle est interdite. Vous le déplorez, Eric. Est-ce que vous pensez qu'il faut tuer Edgar Westmal ? C'est ça que vous êtes en train de me dire à 10h63, Eric ? Il faut tuer Edgar Westmal ? Mais non. Quoi ? Non, il est coupable ou non, il n'est pas innocent ? Je rappelle quand même qu'il a un QI de 83, Eric. Il a un QI de 83. Et ses canaris, eux, ils ne diront plus jamais QI. Vous pensez aux canaris, Eric ? Est-ce que vous pensez à Piou Piou et à Pierre Collard-Bovy ? Dites, c'est quoi ce bruit qu'on entend là ? On dirait une friteuse. Oui, c'est moi, je prépare un barbecue, j'adore rajouter de l'huile sur le feu. Alors, Eric, je note donc que pour vous, Edgar Westmal est coupable, je le note sur ma feuille. Coupable. Mais quoi ? Mais non ! Merci pour votre appel, Eric Demont, sur ma chaîne. Je résume donc la pensée d'Eric. Pour lui, Edgar Westmal est un monstre sanguinaire, il a des origines musulmanes et il faut réinstaurer la peine de mort. Je vous donne rendez-vous demain avec trois nouveaux débats sur la table, dont celui-ci, faire une émission de débat dans une station essence. Est-ce normal ou super ? C'est ce que nous tenterons d'analyser en compagnie de deux experts. Pierre-Henri Copier-Collé, journaliste responsable. Pierre-Henri Copier-Collé, responsable on des fiches cuisines. On perd les gens. Responsable des fiches cuisines dans le Boucheron, l'hebdo qui pique juste à côté. Et Gulliver Van de Pieperzee, journaliste spécialisé en politique internationale dans le folder du Lidl. À demain. Tous les matins, en direct, Benjamin Général vous donne la parole au 069 696 969. C'est vous qui le disiez. J'ai cru qu'on n'y arriverait pas. Ah ben, on y est arrivé, hein. Mais c'était bon. Tout à retrouver sur le rtbf.be/cheveux, bien entendu, c'est du second degré. Ça n'existe pas. Amusons-nous de l'actualité. On va continuer à rire avant de s'informer à 16h30 avec notre cher Nicolas Lehmann. Avec vous, Raoul, tout de suite. C'est parti. On s'intéresse à l'actualité que vous avez sélectionnée pour nous. Oh, ça fait du bien. Alors, on promet de vos émotions. Mais non, enfin, rire, on a déjà ri. Alors, dites-nous tout. Eh bien, c'est l'histoire d'un gars qui est en voiture avec ses enfants, qui s'arrête sur le bas-côté, qui leur dit « Les enfants, papa va faire une petite course. Restez bien sagement dans la voiture. » Et il est allé braquer le bureau de tabac au coin. Non. Mais le pauvre gars, il était divorcé, il avait la garde de ses enfants, donc il devait s'en occuper. Ouais. Et c'est bien de les garder dans la voiture plutôt que de les laisser tout seuls à la maison. Il est revenu dans la voiture ou pas ? Il est revenu avec son complice, mais il leur a ramené un petit bounty ou quelque chose. Oui, sans doute. C'est formidable. Formidable, je dirais pas, mais on sent que effectivement les fins de mois commencent à être de plus en plus difficiles pour pas mal de monde. C'était des fonctionnaires en plus. Ah oui, en plus. Donc voilà. Imaginez. Une autre info. Tout va mal. L'Autriche est un pays rassurant, n'en déplaise à Louis Michel. Hein. C'est vrai quoi. Un exemple. Un exemple. Non. On n'a plus le temps, c'est la pub. Non, merci. Donc, une voyageuse marocaine a été contrôlée par les douaniers à l'aéroport de Graz. Mm-hmm. De Graz, hein, pas de Grasse. Bien sûr, la même chose. C'est en Autriche, oui, Graz. Bien sûr, Graz. Hein, avec les intestins de son mari mort. Ah oui, c'est vrai. Que les intestins, le mari est mort, mais les intestins de son mari qui est mort. Elle les a récupérés pourquoi ? Elle ne les a pas récupérés, je pense. Elle voyageait avec pour les faire analyser parce qu'elle imaginait que son mari avait été tué. Ah oui. Et donc la police n'a pas donné suite. C'est-à-dire qu'elle a ouvert le corps, elle a pris les intestins, elle est repartie avec. Écoutez, et personne n'a rien vu. Je ne sais pas comment elle a fait. C'est déjà une bonne raison pour mourir. Ah oui, écoutez. Hein. Elle voulait qu'on autopsie ses intestins. Ah oui. Elle aurait pu le demander directement au médecin. Elle en autre boudin. Ah oui, c'est ça. Il paraît que les policiers ont mangé de l'andouillette pendant tout le week-end. On m'étonnait. Merci Raoul pour ces infos et on poursuit cette aventure presque sérieuse avec Nicolas Lehmann à 16h30 pour nous informer. Et puis le qui a dit du jour. Vous repartez avec des cadeaux, le jeu Pit aux éditions Repos Pro, des 4 entrées à l'Eurospace Center de Redoux, qui aurait pu dire elles ne sont pas aussi propres que vous le pensez. On vous fera des propositions dans un instant, n'hésitez pas à vous inscrire, CPS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom, adresse, à vous de jouer, c'est parti, nous sommes presque sérieux. Ça se passe sur la première. Demain à midi, Transversale avec Olivier Nederland. Direction l'Arctique cette semaine. Nous embarquerons à bord de l'Arctic Sunrise, un bateau de Greenpeace, histoire de voir si la pêche responsable veut dire quelque chose dans le Grand Nord. Et puis nous prolongerons la réflexion avec l'écrivain Eric Orsena. Il a récemment publié un ouvrage sur les conséquences de la fonte des glaces. Transversale, de midi à 13h sur la première. Et 24h sur 24 sur rtbf.be/ovio. Et c'est l'ingénieur Sarah qui va construire le plus long pont du monde pour tous les trains. Ingénieur au chemin de fer. Hier, ton rêve, aujourd'hui, ton job. Rejoins-nous via leschemindeferengage.be. Ton, j'ai presque fini. Mon collègue Patrick m'a invité chez lui il n'y a pas longtemps. Et c'est parti, salut. C'était vraiment bizarre. Je te sers un petit apéritif, magnifique. D'ailleurs, tout le monde trouve ça bizarre. Et les enfants, ça va. Allez, c'est vrai quoi, ne pas chauffer sa maison au gaz, c'est quand même bizarre. Ok, sa rue n'est pas connectée au réseau de distribution, mais alors t'appelles Primagaz, comme tout le monde. Profitez-vous aussi du meilleur du gaz. Devenez client. Surfez sur primagaz.be pour un avantage de 200€ et l'installation gratuite de votre citerne. Primagaz, le meilleur du gaz, là où le voulez. Pour la plus large gamme d'aliments pour chiens et chats et les conseils les plus complets, AVV. Tout pour le jardin, les animaux et la boulangerie maison. Allô Mimi, je suis dans les embouts, là, les magasins seront fermés. On commandera ce soir sur Krefel.be en pyjama. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. Stockel Square. C'est la braderie d'automne au Stockel Square. Un véritable feu d'artifice de bonnes affaires pour toute la famille. Alors, pour en profiter, rejoignez-nous ces vendredis, samedi et dimanche. La grande braderie d'automne, celle qui étonne. Stockel Square, il y a vraiment tout pour nous plaire. Vous venez d'où comme ça ? D'Amérique. La danseuse, avec Soko, Lily Rose Depp, Gaspard Ulliel et François Damiens. Une fresque magnifique sur Loï Fuller, artiste libre et moderne, dans un monde à l'aube de changement. Vous avez été éblouissante. Nous allons faire entrer cette maison dans le nouveau siècle. La danseuse, une coproduction RTBF, actuellement au cinéma. La première présente BIP 2016, la biennale de l'image possible. Des artistes d'aujourd'hui réinventent les images d'aujourd'hui. Art visuel, photographie et vidéo contemporaine, 12 expositions, plus de 30 artistes belges et internationaux. Jusqu'au 16 octobre à Liège. Info bip-liège.org. Avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Wallonie, la ville et la province de Liège. La première. 16h30. Et maintenant 16h31 avec Nicolas Lehmann pour vous informer. Il aura fait rire des générations de téléspectateurs. Bernard Faure, alias Monsieur Zigo, est mort cet après-midi. Connu pour ses caméras cachées, le comédien avait participé à de nombreuses émissions sur la RTBF. Son portrait, son parcours et quelques-unes de ses blagues les plus connues dans le journal de 17h. Les 28 sont tombés d'accord cet après-midi. L'accord de Paris sur le climat sera ratifié très bientôt selon ce qu'on appelle une procédure collective accélérée. Autrement dit, pas besoin d'attendre la ratification de chaque pays. Mais attention, disent tout de même certains, ça doit rester exceptionnel. Il ne faudrait pas qu'on fasse ça pour chaque accord international. La ratification officielle par l'Europe, ça pourrait donc déjà être la semaine prochaine. C'était la saga spatiale du jour. La mission Rosetta s'est terminée comme prévu cet après-midi. La sonde est allée s'écraser sur la comète Chori un peu avant 13h. Ces données permettront d'en savoir plus sur la formation du système solaire et de notre planète. Et puis c'est maintenant, d'une minute à l'autre, 16h30, 32 même, que doit être dévoilée la sélection des Diables Rouges pour les deux prochain match, Bosnie et Gibraltar, ça compte pour les qualifications à la Coupe du Monde. Qui entre et qui sort, on vous dira tout à l'heure dans le journal de 17h, Walid. Je joue pas, j'ai pas été repris. J'ai pas été repris, pourtant j'ai tout fait. Hein. Vous étiez avant-centre. Mais écoutez, j'ai gardien, je sais tout. J'ai même essayé la buvette, on en a pas voulu. Donc voilà, on vous retrouve tout à l'heure, Nicolas, à... Bah non, on vous non, retrouve ce pas tout à l'heure. Ce sera Diane Burgel-Vernet à 17h pour le retour de l'info sur la première. C'est presque sérieux. Sur la première, 16h-17h30, avec Walid. On s'intéressera à l'actualité dans un instant avec un revue et corrigé. Est-ce que vous avez potassé un peu l'actualité de cette semaine ? Qu'est-ce que vous avez retenu ? Eh bien, on le verra dans un instant avec un jeu facile, avec des lettres et des questions. Je vous explique tout ça dans un instant. Le temps pour nous d'accueillir Valérie qui est avec nous. Elle nous vient de Moustier-sur-Sambre. Bonjour Valérie. Bonjour Walid. Comment allez-vous ma Valérie ? Eh bien, pour l'instant, ça va très bien. C'est vendredi, presque le week-end, tout va bien. Tout va bien, vous êtes employé de banque. Oui, tout à fait. Non, elle ne dira pas où. Elle a dit que c'était le week-end qui arrivait. On arrête de travailler, on arrête de penser et de parler de travail avec Valérie, n'est-ce pas Valérie ? Exactement, voilà. On pense aux différents plans du week-end, c'est tout ce qui est intéressant. Et bien justement, affaire à Moustier-sur-Sambre, il y a notamment une usine de verre, la plus grande du monde. Je ne sais pas si vous le saviez, Valérie. Je savais pas que c'était la plus grande du monde. Eh ben ça, oui. C'est clair. C'est the biggest of the world. C'est comme ça que c'est écrit en fait sur la carte. Mais des verres, des quoi, des verres de whisky. De tout, ils font verres, du double vitrage. Ils font tout. C'est une de la plus grande du monde. Elle est belge. Elle est à Moustier-sur-Sambre. Ils ont un festival de cinéma belge qui est très très bien. Ah ben écoute, Moustier. Oui, exactement. Eh ben voilà, on apprend des choses dans cette émission. C'est cool de vous accueillir, Valérie. Vous devriez revenir plus souvent. Mais je vais essayer, je vous écoute régulièrement. Donc eh bien, voilà. jouons avec l'actualité, avec vous, et offrons des cadeaux à Valérie. En tout cas, tentez de découvrir parmi les propositions que nos chroniqueurs du jour vont vous faire, qui a prononcé cette phrase. Qui aurait pu dire « Elles ne sont pas aussi propres que vous le pensez ». Des propositions pour repartir avec un jeu effréné où on échange des cartes tous en même temps et en criant, c'est le jeu Pit, ainsi que 4 entrées à l'Eurospace Center de Rodu. Des propositions pour cette phrase, Raoul Reyers. Ben vous pensiez que c'était les mains de Jean-Marc Morandini. Ah ben. Eh ben c'est pas ça du tout. Ce sont tout simplement les culottes de l'archiduchesse. Oh là là. Qui ont beau être sèches, mais elles sont pas toujours impeccables. Mais ben dis donc. On sent que c'est la bonne réponse. Il y a du travail. Eh ben dis donc. Et donc c'est les culottes qui ont dit ça, si je vous suis. Oui, évidemment. Les culottes de l'archiduchesse. C'est parce que vous ne vous souvenez plus de la chanson. C'est vendredi. Eh, vous avez bossé aujourd'hui, hein? Ouais. J'avais plein de trucs à faire de la veille. Bon, on sait déjà que c'est pas ça. Ah, non. Acteur studio. Hey, arrêtez. Merci. Ouais, non, mais on vous aide. Elles ne sont pas aussi propres que vous le pensez, Christophe Bourdon. Alors, ce n'est évidemment pas Dodo la Saumure, c'est Marc Dumet qui est chercheur chez Amnesty International à propos des voitures électriques, parce qu'on ne le sait pas assez, mais chez Amnesty International, il se soucie beaucoup du sort des voitures électriques. Mmh. Libérer les voitures électriques. Eh ben, peut-être. Marc Dumet pour Christophe Bourdon. Cynthia Isarelli. Eh bien, c'est Patrick Buisson qui a déclaré ça en parlant évidemment des mains de Nicolas Sarkozy. Elles ne sont pas aussi propres que vous le pensez. Patrick Buisson. Tiens, en parlant de Nicolas Sarkozy, je vous ferai écouter tout à l'heure une émission qui va passer, mais qui ne passera pas chez nous en Belgique, mais elle est juste exceptionnelle. Où on découvre un Nicolas Sarkozy, vous avez juste envie de pleurer, mais de rire. En fait, tellement c'est fort. Il se livre, il se dévoile. C'est un homme qui s'ouvre un petit peu à la France. Et je vous ferai écouter quelques extraits tout à l'heure. En tout cas, voilà, c'est les deux meilleurs extraits. Comme ça, je vous fais gagner vraiment une heure et demie de vie. Patrick Buisson, donc, pour Cynthia Isarelli. Fred Dubus, qui aurait pu dire « Elles ne sont pas aussi propres que vous le pensez ». Eh bien, c'est Brandon Lapoutre, le célèbre acteur porno canadien. Ah oui, dans Hard. Sur le tournage de Deux boules de cristal. Voilà, et ce fut sa dernière réplique avant de se faire éjecter du plateau. Brandon Lapoutre. Et enfin, Gilles Dall. Elles ne sont pas aussi propres que vous le pensez. Relevez le niveau. Il s'agit de Mathieu Ricard, le célèbre moine bouddhiste à l'évocation de cette pensée. Un journaliste lui demandait « Comment faites-vous pour toujours avoir des pensées propres ?» Et il a donc répondu « Elles ne sont pas aussi propres que vous ne le pensez. » Mathieu Ricard, bien sûr. Ah, piège. Mathieu Ricard, Brandon Lapoutre, Patrick Dubuisson, Marc Dumet ou les culottes de l'archiduchesse. Méfiez-vous de l'homme en noir. Alors, qui aurait pu dire qu'elles ne sont pas aussi propres que vous le pensez? Valérie, là, je vous laisse seule face à votre destin. Eh bien, c'est compliqué. Là, je n'ai pas l'inspiration que vos collègues ont pour le moment. Alors, c'est pour ça que nous sommes ici. Alors, choisissez. J'hésite entre, Sarkozy et les voitures électriques, quelque chose comme ça. Ou... Ouais. C'est un peu la même chose. Alors, c'est déjà bien parti. Il y a Patrick Buisson d'un côté, de l'autre Marc Dumet. Mais ce qui nous importe aujourd'hui le plus, ce n'est pas de parler de Nicolas Sarkozy, vous le savez. On en parle tous les jours. Marc Dumet n'est pas un type qui bosse au Met. Non, bien sûr. Il travaille pour Amnesty International, il est chercheur. Il y a un peu plus, je vous le mets. et on en parle beaucoup dans la presse aujourd'hui. Qui choisissez-vous? Ouais. Dites-nous tout. Eh bien, Marc Dumet, alors ben, les voitures électriques. Ben oui. Alors... Pourquoi on en parle? La presse entière s'est emparée de ce dossier. On parle beaucoup de voitures électriques. Mais Amnesty International a fait des recherches. Les chips sont bons, vous recomptez les sous de la caisse avant de partir. Vous faites quoi là pour le moment, Valérie? Dites-moi tout. Là, je vais rendre visite à mes parents. Ah ok, et vous vous habillez? Vous mettez votre sac? Les pralines, c'est quoi? On entend du bruit. C'est peut-être le chien qui mange ses croquettes. Je ne sais pas. C'est pas non, C'était un bonbon, mais voilà. J'ai fait son courrier. Ah, j'adore, je trouve exceptionnel, Valérie, ne changez pas. Alors, elle a l'air d'avoir 4 ans et demi et qu'on lui a pris sur le fait en train de manger un bonbon. Les grands constructeurs de voitures électriques utiliseraient ce qu'on apprend dans la presse aujourd'hui grâce à Amnesty International et donc un de ses chercheurs, Marc Dumet, eh bien que les voitures, les grands constructeurs de voitures électriques utiliseraient des batteries à base de cobalt. Jusque-là, on savait, mais savez-vous que le cobalt est extrait par des enfants en République démocratique du Congo. Donc les chercheurs de l'ONG pointent certains constructeurs du doigt, comme VW, BMW, Fiat, Chrysler, General Motors ou encore Tesla. Aucun constructeur ne communique sur la provenance du cobalt présent dans les voitures, soit parce qu'ils n'ont pas mis en place un système de traçage, bien soit tout simplement parce qu'ils ne se posent pas la question de la provenance des ressources. Et Amnesty donc de dire que les voitures électriques ne sont pas aussi propres que vous le pensez. Plus de la moitié donc du cobalt extrait à travers le monde provient de la République démocratique du Congo et 20% sont extraits manuellement par des enfants. Bref, les constructeurs de voitures électriques dépassent les bornes. Ouais, effectivement. En tout cas, la mienne est propre. Eh ben, oui. Ben, votre sexualité ne regarde que vous. Ouais, mais clairement. Mais votre en tout cas, sexualité ne regarde que vous. En attendant, c'est donc gagné pour vous, Valérie. On vous envoie, eh bien, ce jour aux éditions Repoprod, un paquet de bonbons, tiens, aussi. Et quatre entrées à l'Eurospace Center de Rodur. Restez-nous fidèles et presque sérieuses. On va revisiter l'actualité de cette semaine. Vous avez potassé l'actu? Vous avez entendu un peu tout ou pas? Elle a un bonbon en bouche. Non, pas du tout. Ah ben, restez avec nous. Petite séance de rattrapage avec plein de questions autour de l'actualité de cette semaine. Mais avant cela, on s'intéresse au dessin que Fred Dubus n'a pas fait. C'est tout de suite. Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Les gens ont dit oui, mais non. Eh ben non. Ah ben allez, non. Viens, gamin. Gamin. Il en a réalisé des dizaines cette semaine, sauf un. Mais pourquoi? Bien la réponse tout de suite. Parce que j'en avais marre. Ah bah oui. Oui, voilà. Non, alors le presque dessin du jour. Mais ça aurait pu être un dessin culturel, figurez-vous. Ah bon? Oui, parce que vous avez entendu qu'on parle d'ouvrir un nouveau musée d'art contemporain à Bruxelles. Mm-hmm. Enfin, un nouveau. Encore? Enfin, un nouveau, on se comprend. Un musée d'art contemporain. Ouais. Parce qu'on en avait un, mais on n'en a plus. Seulement à Bruxelles, quand on dit culture, c'est toujours un petit peu comme un gros mot. Hein, donc, et quand on dit art contemporain, on pense plutôt à la bite de Saint-Gilles. ou aux échafaudages autour du palais de justice. Ah oui, je peux vous révéler. C'est contemporain. C'est une œuvre de cristaux, même si elle est restée anonyme. Bref, dans une des capitales les plus en embouteillé encore aujourd'hui, avec les tunnels fermés, tout ça, on va ouvrir un musée dans un ancien garage. Ah oui. Eh ben oui, le garage Citroën, c'est finalement assez logique, en fait. Hein, mais je suis pas ici pour faire du mauvais esprit, c'est une bonne nouvelle. Ben bien sûr, on a un musée. Hein, ça va être fait en collaboration avec le Centre Pompidou, qui va prêter des œuvres, parce que nous, on en a, mais l'État belge veut pas nous les prêter, donc il va falloir le remplir. Ouais. La seule question qui se pose en ce moment, à laquelle on n'a pas encore répondu, c'est le nom que pourrait avoir ce musée. Alors, il faudrait Pompidou dedans, il faudrait peut-être Citroën, alors je ne sais pas, moi j'ai envie de lancer un grand concours pour trouver un nom à ce truc-là. Voilà. Ça pourrait être le musée Pompidou-Citroën. Ouais. Pompidou. Bon, ou le musée Rudy Pompidou. Je ne sais pas. Ou le Fadila. En hommage à une ministre de la culture. Je ne sais pas. À New York, ils ont le MoMA, on pourrait peut-être l'appeler le Bompa. C'est vrai. Je ne sais pas. Voilà. C'est pour ça que je n'ai pas fait le dessin, parce que je n'ai pas trouvé le titre. Eh bien, écoutez, on encourage les auditeurs de la première. Envoyez plein de SMS payants. N'hésitez pas à le faire sur la page Facebook de l'émission. Benjamin Maréchal. C'est presque sérieux. Oui, Cynthia. Mais apparemment, en attendant quand même que le musée s'y installe, en novembre, il va y avoir un super festival dans cette infrastructure-là, dans l'ancien garage Citroën, qui s'appelle Vini, Biri, Ribelli, donc Vin, Bière et Rebelle. Et c'est un énorme festival de vin, bière organique et brassage artisanaux. On va trouver des trucs géniaux. Et voilà, il n'est pas très connu en fait, c'est la deuxième ou la troisième édition. Mais et c'est la vraiment... dernière vu que l'année prochaine. Et ce sera prochaine... sûrement la dernière à moins qu'il déménage, mais je crois que c'est itinérant. Sur 4000 mètres carrés. Ah ouais, oui, mais il y aura quand même 60 exposants. Il y aura à boire, il y aura à découvrir et ce sera plein de petits artisans. Ah ben super. Voilà, et ben voilà, il se passe des choses culturelles à Bruxelles. Et on va rester bien dans l'info, les amis, avec une séance de rattrapage. Je vais chacun à votre tour vous poser une question en rapport avec l'alphabet. Donc forcément, on va démarrer avec la lettre A, une question, et la réponse commence par A. Ainsi de suite, jusqu'à arriver à la lettre Z, histoire de revisiter l'actualité. Un chrono, et vous avez exactement un peu moins de 3 minutes 30 pour arriver à la fin du petit quiz. Et c'est avec Raoul Reyer que nous entamons cette émission. Et le dernier qui répond correctement a forcément gagné, puisque je poursuivrai. Voilà, si Raoul répond correctement à la première question, eh ben je lui pose la seconde. Ouais, c'est une mort subite, quoi. Voilà, et c'est le dernier qui reste qui a gagné. Vous êtes prêts ? Ne vous inquiétez pas, vous allez jouer. Les auditeurs jouent également chez eux. Attention, c'est parti, le chrono est parti, lancé. En A, donc, quel pays les victimes du 11 septembre pourront-elles poursuivre ? L'Arabie Saoudite. Effectivement. Quelle société... c'est pourri ! Quelle société vient d'annoncer qu'elle cessait de concevoir des téléphones ? LG. LG avec la lettre B, bien joué Raoul. Ah, alors, oui, quelle société vient d'annoncer qu'elle cessait de concevoir des téléphones ? Christophe Bourdon. Bouygues. Bouygues, non, non, avec la lettre B. Moi je sais, mais. Quelle société bon. C'est pas votre tour. Ah, voilà. Gilles Dalle. Baise. Baise, non, non, non. Quelle société vient d'annoncer qu'elle cessait de concevoir des téléphones avec un B ? Bah non, pas Belgacom. Fred Dibus. Non, hein. Bah Bosch. Bah non, non, non. Celui que les hommes d'affaires préféraient il y a pas très longtemps. Blackberry. Blackberry, bien joué. Ah, Raoul, oui, je continue avec vous. Je suis la capitale du Venezuela, pays où 67,8% de la population voterait pour le départ du président Nicolas Maduro. Caracas. On n'arrivera jamais à Z. Raoul, présidente du Sénat, j'étais présent au procès Westphalie et déclaré son épouse était suicidaire. Defresne, bien joué. Avec quel président a estimé que l'état d'urgence instauré pour 3 mois après la tentative de coup d'état du 15 juillet devait être prolongé avec la lettre E, un président Erdogan. Erdogan, c'est Raoul qui joue. Pardon. Je célèbre le 7e art francophone de Namur et débute aujourd'hui. Que suis-je ? Le FIF. Le FIF, bien joué. Imbattable. 14e au classement ATP qui ne s'est pas qualifié le pour les demi-finales du tournoi ATP de Shenzhen en Chine. Je suis. C'est pas. Vous ne savez pas. On pose la question. Je n'ai pas écouté. 14e au classement ATP avec la lettre G qui ne s'est pas qualifié pour les demi-finales du tournoi ATP. Goffin. On continue avec Christophe Bourdon. Mais si, je ne savais pas. Après la natation, quel sport va désormais pratiquer Florent Manaudou avec la lettre H ? Quel sport ? Handball. Oui, le handball. Ah, bah, vous ne pouvez pas répondre. Si, c'est-à-dire que vous n'avez pas répondu. Si, soufflez. On dit Gilles Dalle. Gilles Dalle, c'est à vous. Dans quelle société belge 4000 emplois et des centaines d'agences sont-ils menacés ? Avec la lettre I. Je vous le dirai mille fois. Ah, bah, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est à Sidi Ezzar Ali. Où auront lieu les funérailles de Shimon Peres avec J ? C'est aujourd'hui. À Jurassic Park. À Jérusalem. À Jérusalem, effectivement. On poursuit avec Sidi Ezzar Ali. Que vient de ressusciter Vladimir Poutine ? Avec la lettre K. Le Kremlin ? Non. Ah non. Fred Dubus. Le KGB. Le KGB. Le KGB, bien joué, Fred Dubus. Que vient de racheter Bruxelles Airlines ? Qui vient de racheter Bruxelles Airlines ? Après K, c'est quelle lettre ? L. L. Bruxelles Airlines. Qui vient de racheter Bruxelles Airlines ? Oui. Lufthansa. Lufthansa, bien joué. Alors, c'est stressant ce jeu. Ah oui. C'est horrible. M. Alors, un M, c'est un acte collectif. La masturbation, hein, pardon. on l'a eu hier. Dans la masturbation. Il y a eu quoi dans les rues ? Manifestation. Manifestation, pour ceux avec vous. Quel parti plaide pour le bracelet électronique de 14 ans ? Dès 14 ans. La NVA, bien joué. Avec la lettre O, le nom du premier ministre hongrois qui organise un référendum sur la politique de répartition des réfugiés au sein de l'Union européenne. Orban ! À laquelle il est farouchement opposé. Orban, effectivement. Avec la lettre P, que pouviez-vous acheter pour soutenir l'opération Cap 48 ? Des petits pénis en forme de post-it. Ah, c'est pas vous, c'est un Raoul Reyers. Non, j'ai dit des post-it. J'ai dit des post-it. Ah, mais vous avez dit pénis, c'est la première question. Oh, dut. Ah, bah, je suis désolé. Ça peut plus rigoler. Post-it, hein. Post-it. Qu'est-ce qui est passé de 83 à 96 chez Bernard Westphal ? Son QI. Effectivement. Quel trophée récompense tous les 2 ans le vainqueur du tournoi de golf qui oppose par équipe depuis 1979 l'Europe et les États-Unis ? Avec la lettre R. Alors, je sais pas. La lettre R, Christophe Bourdon, je rappelle la question. Quel trophée récompense tous les 2 ans le vainqueur du tournoi de golf qui oppose par équipe depuis 79 l'Europe et les États-Unis ? Le Rintintin d'or. Le Rintintin d'or, non. Rolls-Royce d'or, non. Cynthia. Le Reyers Trophy. On n'était pas très loin, on n'est pas très loin. Ah. Le Reyers Trophy. Effectivement, c'est, voilà. C'est très bon. On ne sait pas. Ryder Cup. Et voilà, la Ryder Cup. La Ryder Cup. Trophy. Alors, la dernière question. La dernière question. Ça fait juste 12 minutes qu'on joue. Et puis, c'est vrai, je me rends compte. C'est longueur. C'est long, effectivement. Mais c'est bien. J'aime bien. Faites-le avec des chiffres. 2 minutes, c'est bon. J'aime bien, attention. La prochaine fois, c'est nous qui avons la feuille. Sophie Dutordoir, l'ex-patronne d'Electrabel, serait pressentie pour prendre la tête d'une autre société. Laquelle ? Avec la lettre S. SNCB. SNCB. Allez, je poursuis. Je poursuis. Disney et Microsoft. J'ai gagné. Oh, il rajoute de Jingle. Disney et Microsoft pourraient me racheter. Je suis avec la lettre T. Alors, Twitter. Twitter, bien joué. Où verra-t-on lundi Twitter. Paul Magnette dispenser une leçon inaugurale en sciences politiques à l'université U. À l'université, mais laquelle ? Ah, bon, c'était U. Université. Université, l'UCL. Nouvelle émission présentée par Adrien Deviveur sur la vitamine. Et enfin, quel hôpital a été victime d'un incendie dans la région Westphal. De Bossu ? Ça, c'est dur parce que c'est un nom qu'on ne connaît pas bien. Non. L'hôpital de Waterloo. Ah ben non, vous ne l'avez pas. Eh bien, je vais demander personne aux auditeurs n'a gagné. de nous proposer la réponse. On cherche donc cet hôpital qui a été victime d'un incendie cette semaine du côté de Boussu. N'hésitez pas à vous proposer la réponse. Déjà Boussu, on ne sait pas où c'est. C'est avec un W par SMS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom, adresse. Et on aura un cadeau pour vous. Et XYZ, ils sentent mauvais ou quoi? Écoutez, j'avais les questions, mais effectivement, on a pris un peu de retard. Non, vous m'étonnez. On fera mieux la prochaine fois. 40 minutes. Et je me suis dit que ça pourrait être sympathique, mais je vais revoir cette formule de jeu. C'est bien, c'est bien. Mais quelque chose de sympa, en tout cas, mais voilà. Il y a une idée. C'est dommage que l'alphabet fasse 26 lettres. Ouais, c'est dommage. Et en ferait 10. Mais je vais faire ça. On va revisiter l'alphabet, mais je choisirai les lettres. Ah, on pourrait faire, par exemple, une fois avec des voyelles, d'autres fois avec des consonnes. Ou l'alphabet à l'envers. Par exemple, pourquoi pas. On verra ça dans un instant. Les lettres de votre prénom, comme ça on fait l'actu acrostiche. Faites des thématiques, par exemple, tous les hommes avec qui Carla Bruni a couché de A à Z. Il y en a plus, hein, mais bon. Bon, on continue cette aventure autour de l'actualité avec une question donc forcément que je vous ai posée par SMS au 6031. C'est avec la lettre W. Quel hôpital a été victime d'un incendie cette semaine dans la région de Boussu? Vous repartez avec des cadeaux si vous répondez correctement à cette question. N'hésitez pas, SMS 6031, 75 centimes le message. Je vous offre un Time's Up. Je suis un fou. Une clé USB aux couleurs de la première et un sac. C'était pas l'hôpital Notre-Dame? Non, c'est avec un W. Notre-Dame. Sainte-Vaudru. W, mais c'est pas Sainte-Vaudru. L'histoire avec un grand H dans un instant et Cynthia Isarelli également. Cynthia Isarelli, vous nous parlerez de quoi dans un instant? Bien, de l'histoire aussi. Oui, de l'histoire entre la Belgique et l'Allemagne. C'est parti, c'est au menu de C'est presque sérieux. Walid, sur la première, c'est presque sérieux. La première présente, la Foire du Verre de Lannes. Artisans, antiquaires, collectionneurs, découvrez le monde de l'art du verre, du bijou et du cristal, ainsi qu'une initiation au métier du verre. Plus de 70 exposants, des dizaines de milliers de pièces. Dénichez celles qui vous manquent. Les samedis 1er et dimanche 2 octobre au Centre Sportif de Lannes. Info, foireduverre.eu. Maintenant chez Bélisol, à l'achat de vos châssis et portes, les vitrages sont à 1 euro. Oui, 1 euro. Passez chez Bélisol avant le 2 octobre. Bélisol. Plus d'infos sur bélisol.be. Elle est pas belle la vie? Chez Bricoplanit, c'est samedi 1er et lundi 3 octobre, moins 20% sur un article au choix. Plus d'infos sur planit.be. Bricoplanit, tout pour la maison. Bonjour chérie, t'as bien dormi? J'ai faim de ces rêves. Raconte-moi. J'ai rêvé qu'on construisait notre maison. Oh, ça c'est plutôt un cauchemar. Ah non, on pouvait choisir tous les matériaux. La maison était construite selon nos plans, dans le respect de notre budget et des délais. Ah. Mais bon, c'était qu'un rêve quoi. Passez du rêve à la réalité avec Sibomat. Optez pour une construction sur mesure, dans le respect de votre budget et des délais. Prenez contact dès aujourd'hui avec votre conseiller en construction sur sibomat.be. Sibomat, les bons plans font les bons amis. Et c'est l'ingénieur Sarah qui va construire le plus long pont du monde pour tous les trains. Ingénieur au chemin de fer. Hier, ton rêve. Aujourd'hui, ton job. Rejoins-nous via leschemindeferengage.be. Tong. J'ai presque fini. La première. Mobile Info. À 16h51, retrouvons David Godefroy. David, que se passe-t-il sur nos routes? Eh bien, des ralentissements dans les chantiers, notamment sur le 411 Namur-Arlon, entre Spontin et Sauvay, des files sur 5 km, 20 minutes perdues vers Arlon. Sur le ring de la capitale, ça coince en circulation extérieure, Zaventem, Grand Bigard, 20 minutes perdues, 20 minutes supplémentaires en circulation intérieure de Zaventem au Carrefour Léonard, et maximum 15 minutes en plus sur les autres tronçons. Et puis, un accident s'est produit dans Bruxelles, à la sortie du tunnel Arlois. La bande de gauche est neutralisée. C'est en direction du Midi. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. L'histoire s'invitera après les informations de 17h. Le temps pour nous bien de nous intéresser à l'actualité. Je vous rappelle la question que je vous ai posée il y a quelques minutes pour repartir avec des cadeaux. On vous offre un Time's Up, une clé USB, un sac Carole. Ce sera un plaisir de vous envoyer notre assistante. Ah, vous offrez Carole aussi? Oui, mais elle a besoin d'un massage. Et quelqu'un apparemment s'est proposé pour lui faire un massage. Je vous rappelle la question, c'est avec la lettre W. Mettez vos noms, prénoms et adresses forcément si vous voulez être tiré au sort. Quel hôpital a été victime d'un incendie? J'ai aussi besoin d'un massage. Dans la région de Boussu. C'est avec W. N'hésitez pas à vous répondre à la question, vous repartez avec des cadeaux. Avant de nous informer à 17h avec Diane Burgel-Vernet, bien revenons sur cette actualité que l'on veuille ou non, la Belgique et l'Allemagne sont amenées à être de plus en plus liées entre le rachat de la SN Airlines par Lufthansa et la connexion des réseaux électriques. Eh bien, il faudrait peu de choses pour passer de la relation fusionnelle à la fusion tout court, n'est-ce pas Cynthia? Guten Morgen, wir sind Monday, 30 septembre 2046, le Bundesland de Belgique va mal. Mais bon, pas plus que d'habitude en fait. Hein. Aujourd'hui, 30 septembre, l'Allemagne fête donc les 30 ans de la communauté francophone du Bundesland Belgique. Et en ce jour de liesse, la chancelière Angela Merkel, 92 printemps, a fait sa joyeuse entrée dans la capitale de Pen. Oui, pendant 4 heures, la chancelière a déambulé en chaise roulante, poussée par Charles Michel, récemment promu ministre de la mobilité personnelle de la chancellerie. Autour d'eux, la foule locale acclamait Mutti en Plattdeutsch, nouvelle langue officielle de la Belgique. Oui, car ce sont vraiment les 30 glorieuses, pardon, comme on les appelle, hein, qui ont mis fin à près de 2 siècles de marasme socio-économique pour enfin élever cette petite terre du milieu qu'est la Belgique à sa juste place. Pour rappel, après le franc succès du rachat de la SN Airlines et du gestionnaire électrique Elia, bien il était devenu évident que la solution finale à tous les problèmes belges était très simple, tout revendre à l'Allemagne. Donc les centrales nucléaires, les autoroutes, les chemins de fer, les écoles, les hôpitaux et même les membres du gouvernement, tout a été mis aux enchères sur un site spécialement créé pour l'occasion, deuxièmemain.gov. Alors évidemment, il y a eu quelques petits ajustements structurels qui ont été nécessaires, hein. La gestion du territoire a été logiquement confiée à Karl-Heinz Lambert, vous savez qui c'est ? Oui. Voilà. Et au Parlement de la communauté germanophone, pas par chauvinisme linguistique, entendons-nous bien, mais pour la simple et bonne raison que des 3 communautés belges, la communauté germanophone est la seule à ne jamais avoir eu de trou dans son budget, tout simplement parce que c'est aussi la seule communauté qui n'avait jamais vraiment eu de budget, disons-le. Mais qu'importe, hein, depuis, tout fonctionne. Les routes roulent, les trains sont à l'heure, les roses sont rouges et les violettes sont bleues. Et Marc Goblet, là de ne plus avoir aucun combat à mener, est devenu consultant en manifestation auprès des agriculteurs français. À vrai dire, tout fonctionne si bien que c'en est presque déprimant. Le Belge ne sachant plus de quoi se plaindre, eh bien, passe ses soirées devant sa maison passive à regarder Derrick en mangeant ses carottes bio de chez Aldi avant d'aller se coucher à 21h car le lendemain, il fera 76 km à vélo pour se rendre au travail dans sa PME participative où, conformément aux quotas fédéraux, on trouve 17% d'employés femmes, 12,3% de personnes handicapées, 7,2% d'anciens détenus en réinsertion, 6,2% de migrants et 3% de flamands ayant préféré suivre un parcours d'intégration plutôt que d'aller s'installer aux Pays-Bas. Le seul point sensible dans ces 30 ans de fusion à succès, eh bien, c'est le drapeau. Oui, le Belge refuse encore et toujours de prêter allégeance, pardon, au drapeau allemand, au prétexte, je cite, qu'il est accroché dans le mauvais sens. Et qu'en Belgique, on veut bien faire tous les compromis et toutes les concessions du monde, apprendre les noms de tous les gardiens de la Bundesliga, faire la file sur le quai du métro, ramener ses livres à temps à la bibliothèque et même rouler en VW pour être un bon allemand, mais quand même, merde, il y a des choses sérieuses avec lesquelles on ne rigole pas. Le futur, vu et corrigé par Cynthia Isarali, un futur proche, qui sait, avec tout ce qui se passe, tous ces rachats, ces sociétés qui deviennent de plus en plus puissantes, et le monde, le monde englouti. Vous vous souvenez de ce dessin animé? Le monde englouti. C'était pas terrible comme série. C'était mal dessiné. Bon, en attendant, on poursuit cette aventure presque sérieuse avec l'actualité. Que s'est-il passé un 30 septembre dans l'histoire? Notre agence de presse qui est également au rendez-vous, une presque star sera avec nous. Et puis une info que nous vous proposons de retitrer sur la page Facebook et que vous aurez le plaisir de retitrer. Oui, c'est la montée du PTB. On en parle, Raoul Edebeau, sur le podium, parmi les trois meilleurs. Oui. De la classe. Mais oui. Eh oui, on en parle dans la suite de C'est presque sérieux. N'hésitez pas à retrouver cette information. Bah, les trois meilleurs, c'est ce que dit ce sondage. Les trois meilleurs. Ne confondez pas tous les trois premiers. Vous avez raison. Non, il faut dire les choses. Pas de polémique. Les trois premiers. N'hésitez pas à retrouver cette information sur le Facebook de l'émission. C'est presque sérieux. Je vous rappelle d'ailleurs cette question que je vous ai posée il y a quelques minutes avec la lettre W. Une réponse que nous cherchons à la question que voici. Quel hôpital a été victime d'un incendie cette semaine dans la région de Boussure? Répondez par SMS au 6031 en envoyant CPS. La réponse forcément et vos coordonnées au 6031 tout de suite. Vous sentez? Une offre séduisante flotte dans l'air chez Planète Parfum. Jusqu'au 4 octobre, échangez un flacon vide contre 21% de remise sur un parfum au choix. Shopping. Dès 17h, à moi la liberté et le plaisir. Les Happy Fridays du Walibi Shopping m'offrent quelques heures zen et branchées. En plus, le parking est gratuit de 17 à 20h. Happy Fridays, les inédits du vendredi. Walibi Shopping. Excusez-moi, la Peugeot 308 là. Les projecteurs avant full LED, elle a ça? Elle l'a. Et la navigation sur écran tactile, elle l'a? Elle l'a, elle a bien plus que ça. Elle a le toit panoramique, elle a aussi l'air cockpit et le combiné tête haute. Ah bon, elle l'a? Non, elle les a. Oui. En septembre, chez Peugeot, on en fait un max pour nos clients. Parce que c'est le mois du max. Profitez de reprises exceptionnelles et de l'offre 50-50. 50% de remise sur 100% des options. Rendez-vous dans tout le réseau Peugeot. Offre soumise à condition. Mieux on connaît le monde, mieux on s'exporte. Alors, en Inde, comme dans d'autres pays, on vous dira jamais non de façon directe, même dans le business. On vous dira oui, oui, oui, mais. Vous comprenez? Oui? Non, vous voulez dire oui, oui ou oui, mais? Quoi? Avec Bruxelles Invest et Export, un monde de perspectives s'ouvre à vous. Conseils personnalisés, contacts sur tous les continents, missions économiques, aide financière. Découvrez une force d'action unique pour les entreprises bruxelloises sur bruxellesinvestexport.be. Bruxelles Invest et Export, créateur de perspectives. Pardon, monsieur, je cherche la gare. Mais ça, c'est tout simple. Vous voyez la rue du commerce équitable? Oui. Bon, vous la suivez, et après 100 mètres, vous prenez le boulevard du juste salaire. Ah, des justes salaires, oui. Et ensuite, vous tournez à gauche sur l'avenue du respect de l'agriculteur. Ah, ben c'est pas si loin, ça, finalement. Merci. Je vous en prie. D'ici 2020, faites de la Belgique le pays du commerce équitable. Et pour commencer, participez à la semaine du commerce équitable du 5 au 15 octobre. Semaine du commerce équitable.be, une initiative de la coopération belge au développement. Avec la première. La première. Météo. Belle fin de journée à tous. Pour terminer cette journée, le ciel va devenir plus nuageux sur le sud-est du pays. Et des pluies parfois assez soutenues vont remonter de France dans le courant de la nuit. En revanche, dans le nord, là, le temps devrait rester sec. Les températures minimales, eh bien, elles seront comprises entre 8 et 10 degrés. Pour le week-end, on prévoit un temps variable, frais, avec des nuages, des éclaircies, des averses qui arriveront samedi après-midi par l'ouest, parfois soutenues, accompagnées d'un coup de tonnerre ou bien d'un peu de grésil. Les maxima seront compris entre 14 et 19 degrés. Et puis pour dimanche, toujours des averses au programme, un petit coup de tonnerre possible. Les averses seront possibles en toute région et les maxima en baisse varieront entre 12 et 17 degrés. Aussi résistantes au soleil qu'à la pluie, les fenêtres WIB se fichent de la météo. WIB.eu. La première. Il est 17h. Votre journal, Diane Burgel-Vernet. Bonsoir Diane. Bonsoir. Des dizaines et des dizaines de canulars, des heures de tournage. Le spécialiste des caméras cachées à la RTB, le comédien et animateur français Bernard Faure est mort ce vendredi. Évocation dans ce journal. Les ministres européens de l'environnement ont accepté de lancer une procédure accélérée pour ratifier l'accord climat. L'Union européenne s'inquiétait d'apparaître à la traîne sur ce front. Quelles sont vos conditions de circulation? On voit ça avec David Godefroy. Oui, ce chantier qui pose des soucis sur le 25 Maastricht-Liège entre Visée et Cherat, principalement en défile donc vers le centre de Liège, comptez une vingtaine de minutes à cet endroit. Bernard Faure restera dans les mémoires comme le spécialiste des caméras cachées dans les années 70 et 80. Monsieur Zigot aura été la vedette de plus de 200 caméras cachées. Simon Gérard revient sur ces moments cultes. Vous avez bien sûr reconnu ce générique Zygomaticorama. C'est dans cette émission culte programmée sur la RTBF de 78 à 86 que Bernard Faure aura fait les 400 coups dans ses caméras cachées, déguisé en policier, vendeur ou ici en taximène. On va se prendre une petite gorgée avant de partir. Hein. On peut pas boire quand on roule. Hein. Non. Des dizaines et des dizaines de canulars, des heures de tournage à guetter le bon client. Je disais au réalisateur planqué. Tiens, il y a un gars qui arrive avec un chapeau, là. Il m'a l'air bien, celui-là. Je vais le prendre. Alors, les caméras se mettaient en route, magnéto en route, et on le prenait. Le succès est énorme, alors forcément... C'est Zigo ! Même déguisé, on reconnaît Bernard Faure. 1986, au revoir, Zygomaticorama. Bonjour, le Tata Yeshou. Bernard Faure et Michel Degeneff, le marionnettiste de Tataillet, forment un duo de choc. Ils présenteront cette émission de télévision jusque 1992. C'est que tu es un très J'ai bon l'habitude. Présentateur de télévision. Hein. Oui, mais ton papa, c'est pas mal non plus, tu sais. Non, mais toi, t'es meilleur. Breton d'origine, Bernard Faure est arrivé en 1956 en Belgique. Il aura également écrit et joué dans de nombreux feuilletons télévisés. Évocation signée Simon Gérard. Le gouvernement fédéral prolonge d'un mois la mission des militaires dans les rues. 1828 militaires qui sont déployés en vue d'assurer des missions de surveillance en appui des services de police. Ils resteront déployés au moins jusqu'au 2 novembre. L'Union européenne ratifiera bientôt l'accord de Paris sur le climat. Les 28 ministres de l'Environnement se sont mis d'accord sur une procédure accélérée, histoire pour l'Union de ne pas être dans les derniers à ratifier cet accord. Conclu il y a un peu moins d'un an, il a été signé par 195 pays. Il prévoit des mesures pour empêcher la température de la planète d'augmenter au-delà de 2 degrés. De gros émetteurs de gaz à effet de serre comme les États-Unis ou la Chine ont déjà ratifié cet accord. Anne Blanpin, c'est clair, l'Union européenne ne voulait pas être à la traîne. Le risque pour l'Union, c'était de voir l'accord entrer en vigueur sans elle. En clair, si 55 pays représentant 55% des gaz à effet de serre ratifient l'accord, il entre en vigueur. Et cela pourrait être le cas d'ici novembre et d'ici la prochaine conférence climat. L'Union y serait alors arrivée comme un acteur de seconde zone, pas fichue de donner l'exemple alors qu'elle se vante d'être à la pointe du combat contre le réchauffement climatique. Ce vendredi, les ministres ont donc accepté que l'Union ratifie l'accord au nom des 28, ce qui permettra au Parlement européen de voter sur ce texte de la semaine prochaine. Et donc, l'Union aura ratifié le texte, alors même que tous les États membres n'ont pas terminé chez eux cette ratification nationale. Mais attention, ont prévenu plusieurs États, c'est une mesure exceptionnelle. Pas question qu'elle devienne la règle pour chaque accord international. Que se passera-t-il si dans un État la procédure de ratification échoue ? Mystère. Autre difficulté à venir, si l'Union veut garder son rôle de premier plan, l'Union s'est engagée à réduire de 40% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, mais les 28 n'ont pas encore établi la répartition des efforts à réaliser entre eux. La discussion sera difficile, mais c'est pourtant sur le sérieux des efforts de chacun que l'Union sera jugée. L'ancien Premier ministre israélien Shimon Peres a été inhumé ce matin sur le Mont Herzl à Jérusalem. La cérémonie a notamment été marquée par une poignée de main entre Benjamin Netanyahou et le président palestinien Mahmoud Abbas. Les funérailles se sont déroulées en présence d'une foule de chefs d'État et de gouvernement, au premier rang desquels figurait le président américain. Coiffé d'une kippa noire, Barack Obama a souligné l'engagement de Shimon Peres en faveur d'une solution à deux États, Israël et Palestine. En raison de son sens de la justice, de son analyse de la sécurité d'Israël, sa compréhension de la signification d'Israël, il pensait que l'idée sioniste serait mieux protégée quand les Palestiniens auraient également leur propre État. Bien entendu, nous sommes réunis ici en sachant que Shimon n'a jamais vu son rêve de paix réalisé. La région traverse une époque chaotique. Les menaces sont toujours présentes. Pourtant, il n'a jamais cessé de rêver et de travailler. Barack Obama ce matin aux funérailles de l'ancien Premier ministre israélien Shimon Peres. C'est l'aboutissement d'une mission à plus de 600 millions de kilomètres de la Terre. La sonde européenne Rosetta s'est écrasée sur la comète Chury peu avant 13 heures. Un crash programmé et qui met fin à une mission historique. Maxime Binet a suivi les derniers instants de la sonde Rosetta avec l'équipe belge de l'Institut d'aéronomie spatiale de Belgique. C'est une fête au goût amer, un sentiment partagé pour les chercheurs qui ont participé au projet. À travers un écran, un verre de cidre à la main, ils assistent à la fin en direct de cette aventure spatiale sans précédent. Ah, ça y est, voilà. C'est fini. Ah. Ça a touché. Voilà, c'est fini. Romain Maggiolo est physicien à l'Institut d'aéronomie spatiale de Belgique. Il travaille depuis plus de 2 ans sur le projet Rosetta. On attendait de temps en temps une petite nouvelle de Rosetta, une petite surprise. Et là, on sait que maintenant, il n'y aura plus de ce côté vivant de la mission. Ouais, ce sera un peu plus triste quand même. Un repos bien mérité pour un engin spatial qui a parcouru près de 8 milliards de kilomètres. Un périple qui nous a permis de mieux comprendre la formation de notre système solaire. Frédéric Doch, chercheur à l'Institut. Les comètes sont les vestiges de moments de la formation de système solaire. La chose qui était complètement imprévue, c'était la découverte d'oxygène. Normalement, si tu as l'oxygène, ça réagit vraiment vite. L'oxygène est là en forme moléculaire et ça, c'était complètement imprévu. À 13h19 précise, l'Agence spatiale européenne reçoit la confirmation du crash de Rosetta sur la comète Chury. C'est donc la fin d'une mission qui a duré 12 années. Enfin, pas complètement. Toutes les données n'ont pas été étudiées. En football, le sélectionneur fédéral Roberto Martinez a dévoilé sa sélection pour les 2 prochains matchs qualificatifs de la Belgique pour la Coupe du Monde 2018. Une sélection de 25 joueurs sans grand changement par rapport au groupe retenu pour la rencontre face à Chypre. Seuls Vermaelen et De Bruyne blessés quittent l'équipe. Laurent Simon et Nasser Chadli sont eux rappelés. Les Diables Rouges joueront contre la Bosnie le 7 octobre et à Gibraltar 3 jours plus tard. 17h07, très belle fin de journée à notre écoute. Toute l'info est sur rtbf.be. Et sur la première, on a le plaisir de retrouver toute l'équipe de Walid. Ah, On change. Non, non, pas du tout. On change d'arriver. Une équipe qui gagne. Il n'est pas loin. Je crois qu'il voilà, est dans l'ascenseur. Oui. Et voilà, il n'est pas là et c'est parti. C'est fini. Bonsoir, bonsoir. Ah. Oula. Une entrée fracassante. Il y avait du monde à la machine à café. Vous allez bien, Diane? Merci. Très bien, on est contente de vous avoir retrouvé. Désolé, j'étais coincé dans l'ascenseur. Vous connaissez la panne de l'ascenseur, hein, ça arrive à tout le monde. C'est avec Raoul, là. C'est un peu. Mais en tout cas, en attendant, nous sommes presque sérieux et nous sommes ravis d'être avec vous sur la première. Maintenant, chez Bélisol, à l'achat de vos châssis et portes, les vitrages sont à 1 euro. Oui, 1 euro. Passez chez Bélisol avant le 2 octobre. Bélisol. Plus d'infos sur bélisol.be. La première. 16h-17h30. C'est presque sérieux avec Walid. Toute l'actualité, rien que l'actualité condensée de cette émission revue et corrigée pour vos petites oreilles. L'actualité de ce 30 septembre, où que vous soyez en Belgique et de par le monde, oui, parce que vous nous écoutez peut-être en live sur le streaming de La Première, sur lapremière.be. On embrasse nos amis lillois qui veulent participer avec nous. Ils nous disent, on ne peut pas envoyer des SMS, on vous écoute, mais comment on fait pour gagner? Parce qu'on a la réponse. Vous imaginez? Vous avez imaginé la réponse à une question que je vous ai posée il y a un instant. La page Facebook. Hein, avec la lettre W, quel hôpital a été victime d'un incendie cette semaine dans la région de Boussu. W, la réponse, on l'attend par SMS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. Et on fera un petit tirage au sort dans un instant pour voir qui repart avec des cadeaux. Et ils nous font le plaisir et un beau cadeau. C'est l'idée d'être avec vous durant cette heure et demie, de partager eh bien, ce moment récréatif en votre compagnie. Il y a Raoul Reyers. Mais oui, Wally. Il y a Christophe Bourdon. Je viens de me rappeler, il n'y a pas d'ascenseur à l'RTBF. Il y a Gilles Dalle. Quelle nouvelle. Il y a Cynthia Isarelli. J'ai faim. Il y a Frédéric Dubus. J'ai sommeil. Il y a vous également, vous qui nous écoutez. Merci d'être presque sérieux. Allez, on s'amuse avec l'actualité et on s'intéresse à une info du jour, celle qui concerne la montée du PTB. C'est presque sérieux. Sur la première. Que s'est-il passé un 30 septembre aussi? Je vous le dis tout de suite, on devait faire un jour dans l'histoire, mais on n'aura pas le temps. James Dean. Voilà, on l'avait bien. Bah, effectivement, il est décédé d'un accident mortel, James Dean. C'est un 30 septembre que ça s'est passé. Il n'est pas le seul à avoir disparu un 30 septembre. Il y avait Simone Signoret aussi qui nous a quitté un 30 septembre. Elle était aussi dans la voiture? Non, elle n'était pas dans la voiture. Mais donc, Rosetta, c'est que Dean, il a planté une Porsche. Ah oui, c'est ça. La sonde Rosetta aussi nous a quitté un 30 septembre. Oui, aussi, voilà. Elle a fait comme un film francophone de belge, je sais. Voilà. Bon, en attendant. En attendant, l'agence de presse, retitrons cette information qu'on vous invite également à retitrer, vous qui nous écoutez sur le Facebook de l'émission, c'est presque sérieux. Selon un baromètre du soir, le PTB est désormais le troisième parti francophone. Raoul Desbeaux explique cette percée par le fait que les gens en ont assez de voir les mêmes partis venir avec les mêmes solutions qui ne marchent pas et les enfoncer de plus en plus dans la crise, par le fait que le PTB donc est resté sur le terrain et proche des gens. Ce qu'il reproche aux autres, c'est de ne pas ou plus faire. Donc voilà, pour Raoul Desbeaux, la plupart des gens en ont marre et c'est ce vent nouveau qui souffle sur la Wallonie et Bruxelles. Ce vent nouveau vous invite à retitrer cette information, la montée du PTB, les gens entendent et attendent une alternative. À votre avis, Raoul? Quand vous étiez petit, on vous faisait aussi, c'est la petite bête qui monte. La petite bête. Ben voilà. La petite bête. Ah oui, le PTB, la petite bête. Pas mal. On va demander à Christophe Bourdon. Raoul est de Beau, 2 points. J'ai aussi une bonne descente. Il est sur le terrain. C'est vrai, je crois. Gilles Dalle. Le nouveau slogan du PTB, une alternative à l'alternative, vu que tous les autres partis déclarent également qu'ils incarnent l'alternative. L'alternative, donc, c'est le mot vu et corrigé dans ce retitrage de l'information signé Gilles Dalle. Cynthia Isarelli, pour vous, cette montée du PTB, comment est-ce que vous pourriez retitrer cette information? Le PTB lave plus rouge que rouge. Et enfin, Fred Dubus. Éliodie Rupo a changé son sonotone. Il entend de nouveau des voix. C'est tout. Oui. Non mais attendez, pourquoi la dictature de la chute? Non mais on m'avait envoyé une phrase. Vous voulez quoi comme phrase? Les gens entendent une alternative. Voilà. Et c'est ça. Voilà, alors là c'était pas drôle, mais c'était raccord. D'accord, ok. C'est pas mal, Fred Dubus, mais on vous invite à faire... On m'envoie des trucs sur lesquels je... Et puis qu'après, on sabote tout derrière, moi je veux bien. Eh bien, retitrez cette information sur la page Facebook de l'émission avant d'accueillir une presque star. On en parle dans un instant. Il fait parler de lui de l'impresse, mais pour quelle raison? Vous allez le découvrir dans un instant. Le temps pour nous de revisiter l'actualité journalistique en déformant, ou presque, en tout cas en chipotant un petit peu dans le phrasé de nos amis journalistes. Voici votre agence de presque. Walid, sur la première, c'est presque sérieux. selon le jargon technique. François Hollande a calé sur l'autoroute A54 en direction de Nivelles vers Bruxelles. Écoutez plutôt cette forme de violence routière. La voiture que j'utilise est une voiture hybride. Décision a été prise de fermer l'autoroute. Deuxième titre, Théo Franken, qu'on présente dans la commune de Couillet comme l'ex-amant de Rudy Demotte, a partagé une chambre située au parc animalier de Paradisa avec Pardeweaver. Une scène quasi inimaginable il y a quelques années encore. Des rhinocéros et des éléphants auront leur numéro inami pour pouvoir exercer à l'hôpital de Warkini. Annonce faite ce soir. L'image du jour pour terminer, la tradition chinoise veut que Maggie de Bloch, surentraînée, joue tout le week-end ping-pong sur le bord d'un trottoir le plus naturellement du monde, évidemment, selon les prévisions scientifiques. Walid, sur la première, c'est presque sérieux. Eh oui, cette actualité revue et corrigée. Donc c'est Maggie qui fait Oui, c'est ça. Qui fait ses montages, c'est remarquable. C'est Louis. C'est moi. Ah bah, félicitations. Bah, écoutez, je vous renvoie à votre talent. En attendant, il est talentueux et on parle de lui dans la presse, mais pour quelle raison nous souhaitons le mettre en lumière aujourd'hui? Il s'appelle Luc, il est avec nous. Bonjour Luc. Bonjour Walid. Vous allez bien? Oui, je vais très bien, merci. Alors, plaisir que de vous avoir au téléphone, mon cher Luc. Pour quelle raison? Eh bien, on parle de vous. Vous allez le découvrir dans un instant. Le temps pour nos chroniqueurs de tenter de découvrir qui vous êtes, Luc. Je sais, il vient d'apprendre que son père était Dark Vador. Non, absolument pas. Non. C'est lui qui a peint le Zizi à Saint-Gilles. Oui. Non, on ne sait toujours pas qui a peint ce truc. C'est lui qui a servi de modèle pour le Zizi de Saint-Gilles. Non, c'est pas lui, non. Est-ce que c'est un artiste? C'est pas un artiste. Est-ce que c'est un entrepreneur? Un entrepreneur? Non, il a gagné quelque chose. Il a gagné quelque chose, oui, il a déjà gagné pas mal de choses. Je vous donne un indice que voici, écoutez. Par action avec Thompson qui est parti très vite, fait l'effort. Michel Valls, champion olympique, attention, prenant. Il a levé les mains. C'est un sportif. C'est un sportif, oui. C'est le seul mec qui arrive à comprendre ce commentaire sportif. C'est non, pas, mais c'est un sportif. C'est de la course à pied. L'inventeur de la Ola. L'inventeur de la Ola. Pourquoi pas. Il y a bien un mec qui s'est levé à un moment. Non, il fait un sport avec un accessoire. Alors, il a une particularité, oui. Il est handicapé. Oui, et c'est gagné. Il a gagné le jeu paralympique. Effectivement, bien joué, Fred Dubus. Il s'appelle Luc Huberti. Il est champion de triathlon en e-sport. C'est un des visages de la campagne de sensibilisation Cap 48 en télévision. Luc, quel plaisir de vous avoir avec nous. Merci, mais moi c'est pareil, partagé. Alors effectivement, on rappelle que on va falloir faire un bel accueil à tous les bénévoles qui vont venir vous vendre des post-it au profit donc de cette œuvre caritative Cap 48. Rendez-vous le 9 octobre prochain sur la Une en télé pour voir le compteur une fois de plus exploser et on compte sur vous, on ne le répétera jamais assez. Alors Luc, il faut savoir que donc 80% des handicaps surviennent au cours de la vie, des accidents, ça arrive. Un chiffre interpellant qui nous rappelle donc que nous pouvons tous un jour être directement concernés. Vous étiez entrepreneur justement dans la construction, vous. Oui, tout à fait. Donc, il y a 15 ans de cela, j'ai effectivement eu un accident de la route en allant sur un de mes chantiers. Et donc, il s'en est suivi une amputation de la jambe au-dessus du genou. Oui. Alors, on reprend le dessus, forcément, c'est pas évident. Il faut être bien entouré, il faut avoir un mental d'acier. Comment est-ce que vous avez repris goût à la vie malgré cet aléa de la vie, justement? Eh bien, le soutien familial, le soutien de mes proches, c'est essentiel. Et petit à petit, pour me reconstruire, je me suis mis au sport. Je dis bien mis au sport parce que je n'étais pas vraiment un sportif avant. Mmh, mmh. Et donc, j'ai commencé à nager. Et ça, j'étais bon nageur, puis vélo et puis course à pied avec une prothèse spéciale. Donc, pour moi, le sport, ça a été vraiment le vecteur de reconstruction. Ouais. Le sport qui vous a permis donc de remonter la pente. Vous êtes devenu champion de triathlon handisport. Et après des mois de revalidation donc dans un centre financé par Cap 48, vous avez décidé de vous battre pour vous reconstruire et surtout pour venir aussi en aide aux autres. Oui, en effet. Ça m'a tellement fait de bien, moi, de me reconstruire et de partager ça avec mon épouse qui fait du sport aussi. Donc, on partage tellement ça. Et c'est vraiment quelque chose d'essentiel de pouvoir, pour l'estime de soi, mais pour la santé, pour l'intégration sociale, que je veux absolument partager ça avec d'autres. Et c'est pour ça que j'ai créé ma petite ASBL pour pouvoir financer des prothèses pour d'autres personnes. Voilà, une ASBL qui s'appelle Legs Go. Petit jeu de mots, mais voilà, pour aider les autres à accepter leur handicap, élément indispensable dans le processus de reconstruction. Forcément, il faut des prothèses, tout ça, ça coûte de l'argent. Et vous venez en aide, grâce aussi à Cap 48, à des personnes qui ont vécu comme vous un accident, et ça peut arriver à n'importe qui. Mais Luc, alors vous étiez au JO cette année ? Non, je n'étais pas, malheureusement. J'ai cru que j'y allais, mais je n'y étais pas en triathlon. Le niveau était vraiment très, très, très élevé. Voilà, on mettra en tout cas toutes les informations concernant votre ASBL, Legs Go, sur la page Facebook de l'émission et sur le site de la première, lapremière.be. Et on vous rappelle que vous pouvez acheter donc des post-it ce week-end un petit peu partout. Vous verrez des petits bonhommes jaunes venir vous en proposer. Soyez souriants, ouvrez leur votre portefeuille et donnez un peu, parce que ça peut arriver à n'importe qui. On ne le répétera jamais assez. Grande soirée Cap 48 également. Vous serez aussi, on y sera tous, le 9 octobre sur la Une. On vous remercie, Luc. Merci d'avoir joué le jeu de notre presque star du jour. Merci beaucoup à vous. Merci à vous et à très très vite. Et dans la suite, on poursuit cette aventure presque sérieuse avec. On a presque donné la réponse dans l'agence de presque. Vous avez entendu la réponse. Warkini, bien joué. Et on va faire un petit tirage au sort. Tiens, dans tous les Warkini qu'on a reçus par SMS au 6031, 75 centimes le message, avec vos noms, prénoms et adresses. Tirage au sort dans quelques minutes. Le temps pour nous bien de revisiter cette actualité avec cette semaine, mon cher Gilles. On revient sur la mort de Shimon Peres. C'est dans la suite de C'est presque sérieux. Shimon Peres, l'ancien président israélien et prix Nobel de la paix, est mort cette nuit à l'âge de 93 ans des suites d'un accident vasculaire cérébral. C'est presque sérieux sur la première. Non mais tu l'entends l'autre là ? Il fait que rigoler ! Lui aussi doit rouler en Skoda. On est toujours plus détendu que les autres. On se sent beaucoup plus détendu quand on roule en Skoda. Skoda offre 2 ans d'entretien et de réparation gratuit à la signature d'un contrat WeCare de 3 ans. Profitez aussi d'une Skoda Fabia à partir de 8 750 €, prime de recyclage déjà déduite. Pour des offres complètement détendues, ne cherchez pas, c'est chez Skoda. Offre soumise à condition, plus d'infos sur skoda.be. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vazam, ouvre-toi ! Instagram, ouvre-toi ! Crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça. Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Mon collègue Patrick m'a invité chez lui il n'y a pas longtemps. Et c'est parti, salut. C'était vraiment bizarre. Je te sers un petit apéritif. Magnifique. D'ailleurs, tout le monde trouve ça bizarre. Et les enfants, ça va. Allez, c'est vrai quoi, ne pas chauffer sa maison au gaz, c'est quand même bizarre. Ok, sa rue n'est pas connectée au réseau de distribution, mais alors t'appelles Primagaz, comme tout le monde. Profitez-vous aussi du meilleur du gaz. Devenez client. Surfez sur primagaz.be pour un avantage de 200 € et l'installation gratuite de votre citerne. Primagaz, le meilleur du gaz, là où vous le voulez. Coucou mes moustiques. On a envie de boulettes sauce tomate avec de la purée. Papa travaille tard là, et à cette heure-ci. Ouais, t'as qu'à aller au Deli Traiteur. Ah oui, bonne idée, prends-nous un bon petit plat et une bonne bouteille de vin. Et des glaces au chocolat. Et vous, vous faites comment? Deli Traiteur. Flagrant délit de plaisir. Ouvert jusqu'à 22h, 365 jours par an. Nouveau, Komiyakaza Delicious. Réservez un moment rien que pour vous et savourez la lasagne royale, les raviolis di mare ou les farfalle pancetta formaggio. Komiyakaza. Apportez un peu de chaleur. La première. Mobile Info. 17h21, que se passe-t-il sur nos routes? La réponse tout de suite avec David Godefroy. Eh bien, cet accident à vous signaler sur le 40 Bruxelles-Liège, aux environs de Walsautem, bande droite et centrale neutralisée. Conséquence, une vingtaine de minutes perdues vers Liège. Accident impliquant plusieurs véhicules à hauteur du carrefour Léonard dans la bretelle reliant le 411 venant de Namur au ring de Bruxelles. C'est en direction de Zaventem. Là aussi, des files en amont. Des files dans les chantiers, maximum 20 minutes perdues. Et puis sur le ring de la capitale, ça coince en circulation intérieure. Le tronçon le plus ralenti, Zaventem Carrefour Léonard, ajoutez une trentaine de minutes à votre trajet. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0848 400. Comment bien manger quand... On veut un tout petit peu d'originalité. Alors rien de tel que du cabillaud. Du cabillaud? Mais il n'y a rien de plus classique. Pas forcément. Si vous le préparez enroulé dans du prosciutto ou cuit au four avec un petit pesto maison. Ou alors avec une couche de mozzarella fondue par-dessus. Par exemple, Là, je vous le garantis, le cabillaud d'Islande est délicieux et original. Mmh. Et en promo ? Tout à fait. Jusqu'au 5 octobre, chez Deleuze, les filets de cabillaud sont à moins 25%. Deleuze. Bien acheté. Bien mangé. C'est presque sérieux. Sur la première, 16h-17h30, avec Walid. Dernière ligne droite avant soir première pour boucler cette semaine de l'actualité. L'actualité est riche en émotions, riche en tensions et là, riche en disparitions. Avec Shimon Peres qui nous a quitté cette semaine et vous revenez dessus, mon cher Gilles Dal. Absolument. Pour commencer cette chronique, mes chers amis, j'aimerais décerner la palme d'or de la question journalistique la plus percutante du monde au journaliste français qui a demandé avant-hier à un spécialiste du Proche-Orient, je cite, « Avec la mort de Shimon Peres, est-ce une page qui se tourne ?» Oui, Gilles. Est-ce que c'est une page qui se tourne ? Bah oui, non, forcément. Enfin, on s'en fout si on précise pas de quelle page on parle. Hein. Une page. Parce qu'à ce compte-là, c'est comme si on avait demandé, avec la mort de Shimon Peres, les choses seront-elles différentes ? Or, si on ne précise pas différentes par rapport à quoi ni à quel point de vue, forcément, cette question n'a pas de sens. Par exemple, non, les choses ne seront pas différentes du point de vue du réchauffement climatique ou de la sixième réforme de l'État. Et alors, Gilles ? Les choses seront-elles différentes ? Mais je ne sais pas, Raoul, c'est ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est que ce genre de question est aussi palpitante qu'avec la mort de Shimon Peres, assiste-t-on à la fin d'une époque ? Oui, non, enfin, on ne sait pas. Était-il le dernier des... Oh, et puis ça suffit, tiens. Qu'est-ce qui suffit ? Mais ces questions foireuses, toujours les mêmes. Bon alors, quoi d'autre dans l'actualité cette semaine ? Ah oui, un très chouette bout d'interview de Patrick Buisson, vous savez, l'ancien conseiller occulte, toujours bien aimé moi ce mot occulte, de Nicolas Sarkozy. Notez bien que dans la presse, un conseiller est toujours occulte, hein, tout comme un compte est toujours caché, une étude toujours récente et un type mis en examen se dit toujours extrêmement serein. Bref, Buisson apparemment balance pas mal dans son bouquin sur Sarko, genre que le mec serait un vrai taré, un psychopathe, que ce serait atroce qu'il redevienne président de la République, tout ça. Mais attention, il précise dans la foulée qu'il ne ressent pas le moins du monde du ressentiment à l'encontre de Nicolas Sarkozy. Ah non, pas du tout, ça se sent bien, la variante politique du légendaire. Tout est fini entre nous, mais ça n'a rien à voir avec toi. Ou du toujours fameux, tu sais que j'adore Roger, vraiment, mais entre nous, c'est une ordure. Ah oui, c'est à moi. De quel Roger parlez-vous, Gilles ? C'est un exemple, Raoul, je parle des mots qui ne veulent rien dire. Le combat de ma vie, vous savez, comme quand dans un avion, le commandant vous dit merci d'avoir choisi notre compagnie. Comme si on l'avait choisi, sa compagnie, juste qu'on a été voir sur Internet et qu'on a cliqué sur le vol le moins cher de la liste, c'est tout. Pas vraiment, comme si ça avait été un choix de cœur. Pareil quand le train tombe en panne et qu'on vous dit merci de votre compréhension. Alors que non, on ne comprend pas du tout, on est même furax, on est prêt à tabasser le responsable de ce retard, mais paf, le gars nous remercie pour notre compréhension, bah, alors qu'on ne comprend pas. La subreptice technique de manipulation, genre, dis, chou, je te quitte après 30 ans sans un mot d'explication. Merci pour ta compréhension. Allez, bisous. Quoi, vous n'allez pas me dire que vous quittez quelqu'un après 20 ans ? Mais non, ans, Raoul, c'est un exemple. C'est comme la nouvelle mode du j'ai envie de dire. Mais dis-le, fieu alors. J'ai envie de dire beau temps pour la saison. Eh ben alors, tu le dis. Tout va bien ? J'ai envie. Tout va bien ? J'ai envie de dire oui. Bah alors, dis-le et dis. Ah, pff, Walid, c'est tout ce que j'avais envie de dire. Je suis proche du burn-out. Mais vous l'avez fini. Mais vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Et c'est ça qui est très intéressant, mon cher Gilles Dal. Une émission à retrouver sur le rtbf.be/ovio. Chose promise, chose due. Il repart avec des cadeaux. C'est Jean-Claude Deteux qui fait partie des personnes qui ont répondu correctement encore à la question noble que j'ai posée tout à l'heure. Oui, Deteux, la ville, bien sûr. Et il participera également les à la marche des 100 km, le défi Cap 48. N'hésitez pas à y prendre part, en tout cas, où vous soyez. Quel hôpital a été victime d'un incendie dans la région de Boussu ? Il a dit l'hôpital de Warkini. Bien joué à vous, mon cher Jean-Claude. Je suis contre. Avant de rendre hommage à quelqu'un qui nous a quittés aussi aujourd'hui, je voulais revenir sur l'extrait d'une émission que vous allez peut-être pas voir, mais je vais vous résumer cette émission en deux extraits qui font respectivement 28 et 23 secondes. Nicolas Sarkozy qui se confie à Karine Le Marchand. Rien que ça, ça vaut déjà. Rien que ça, ça vaut son pesant en cacahuète. Or, sais-tu que c'est la fille qui fait l'amour et dans le pré en oui, France. Oui, c'est ça. Alors, en gros, comment vous dire, c'est le moment pathos, mais mauvais comédien, je joue avec la virgule. C'est parti. Vous voulez m'appeler comment ? Bah, soit c'est Monsieur Sarkozy. Soit c'est Nicolas. Parce que si je vous appelle Jean-Pierre, vous n'allez pas comprendre que c'est à vous de... Non, c'est sûr. Peut-être que ce serait un regret pour vous. Peut-être. Ah non, je ne connais pas de Jean-Pierre. Je ne vais pas m'immiscer dans votre vie privée. Et alors, attention, alors, du coup, attention, écoutez bien. Soit vous faites officiel, monsieur le président, soit vous faites Nicolas. Mais monsieur Sarkozy, je trouve que c'est un compromis un peu bâtard. C'est Nicolas ou président ? Oh bon, Nicolas. D'accord. Et bim. Ok, Karine. Et bim, Nicolas ou président. Il est toujours président. Bah, il restera toujours président. Eh oui. Mais quand enfin, il dit vous m'appelez Monsieur Sarkozy, ça fait un peu bâtard. S'imaginer. Bon, il y a un autre extrait. Et là, c'est le moment Kleenex, comme on dit. C'est parti. T'es plutôt soulagé que mon père soit pas là. À 3 ans ? Je vous dis pas 3 ans, mais 5 à 6. Parce qu'il avait certainement des qualités, mais disons qu'il était un peu brusque et peut-être pas adapté à des petits-enfants. Musique. Je peux pas dire que j'ai souffert de ça, j'ai pas manqué d'un père. Imaginez quelqu'un qui joue derrière de la guitare. Soulagé qu'on vive avec ma mère. Francis ma Lalonde dans le placard. A beaucoup sacrifié pour nous et ne m'a pas donné de beau-père. Et vous imaginez, ça c'est la punchline qui tue. C'est-à-dire que ma mère s'est beaucoup sacrifiée. Elle nous a pas donné de beau-père. C'est comment vous dire. Mais qui a plagié qui, Bardo Weaver ou Nicolas Sarkozy? Je ne sais pas, mais en tout cas, mon c'est un rendez-vous. Pas été long. Vous regardez si vous voulez. Vous, je crois que c'est le 9 octobre que ça a passé. Ah ben voilà. Je suis sûr qu'il va pleurer à un moment donné. On a eu énormément de plaisir à passer cette semaine avec vous. Demain, best-of forcément. Mais avant de se quitter, il était célèbre pour ses caméras cachées commises entre 1968 et 94. Il fait partie des personnes qui m'ont donné envie de faire ce métier. Monsieur Zygomatic, vous connaissiez Zygomaticorama, qui lui a d'ailleurs donné son surnom de Monsieur Zygo. Il raconte qu'à la fin, bah, ça devenait très difficile. Hein. Les gens le reconnaissaient uniquement à la voix. Et quand il allait chercher ses enfants à l'école, eh bien, les gens le regardaient en attendant que quelque chose se passe. Alors, en attendant le gag, je trouvais ça génial. Mais Bernard Faure a écrit également, joué pas mal de feuilletons. Un breton qui est arrivé en 1956 en Belgique. Outre Zygomaticorama, il a présenté... Zygomaticorama. Zygomaticorama. Voilà. Voilà. Zygomaticorama. Il a présenté... Bon week-end. Et le Tataillé Show, et c'est sur sa voix qu'on vous salue et qu'on vous donne rendez-vous demain pour le best-of et lundi pour un nouvel épisode de C'est presque sérieux. Merci à tous de manière collégiale. C'est à merci vous, monsieur Zygo. Merci. Le mot de la fin vous revient. Vous êtes rappelé pour faire une période militaire de 3 semaines. Ça part en vrille. Si. Vous allez être convoqué d'ici 2-3 jours pour vous présenter à Arlon. Monsieur. Joseph Marcel, c'est ça? Oui. Voilà, c'est une convocation. Vous êtes appelé pour faire une période militaire de 3 semaines. Mon âge? Ah, mais il n'y a pas d'âge. Je me rappelle, à l'arrivée, à 65 ans. Ah oui, mais les événements commandent un peu l'actualité, vous savez ce que c'est. Et vous êtes appelé à venir au centre d'Arlon, la caserne Préa Lorsignol. Quelle est votre spécialité? Nuit blanche. La nuit du 1er octobre, les artistes s'emparent du quartier européen à Bruxelles. Performance, projection, installation multimédia. Un événement incontournable et gratuit pour redécouvrir la ville. Parking de roues surveillé et bus de nuit gratuit. Info, nuitblanche.brussels. Une initiative de la ville de Bruxelles avec le journal Le Soir et La Première. Mieux on connaît le monde, mieux on s'exporte. Alors, figurez-vous qu'en Chine, quand vous offrez un cadeau, la tradition veut qu'il soit mis de côté sans être ouvert. Oui, même un bon ballotin de praline, ils arrivent à se maîtriser et à pas l'ouvrir. Hein. Ils sont forts, les Chinois. Avec Bruxelles Investi Export, un monde de perspectives s'ouvre à vous. Conseils personnalisés, contacts sur tous les continents, missions économiques, aide financière. Découvrez une force d'action unique pour les entreprises bruxelloises sur bruxellesinvestexport.be. Bruxelles Investi Export, créateur de perspectives. L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur